à Sifu pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin nous expliquera un sujet d'actualité dans son bulletin Gartin. Et Frédéric Bernard essaiera de répondre à une question grâce à Internet dans Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 14 octobre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est 195 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Déjà? Eh oui. Donc, car c'était 196. Si je me souviens bien, oui, sûrement. Ouais. Et ça compte les fins de semaine et tout. Oh mon Dieu, ok, tu fais un grand travail de calcul quand ça même. Ça compte tous les jours. Tous les jours. Jusqu'au 27 avril 2015. Détermination. Tellement. Faut s'encourager dans la vie. Plus le chiffre descend, mieux ça va. Hein? Ça a l'air gros, dit même 200. Mais ça passe quand même assez vite. Hein? À date, oui. On était en haut de 200 la dernière fois qu'on s'est parlé, genre à la fin de la semaine passée. Oui, c'est vrai. Alors, en tout cas. Bref, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Salut Tania. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on a des chroniqueurs pour vous. Eh oui, c'est notre journée, je pense. Le mercredi, c'est la journée beaucoup de chroniqueurs. Hein? C'est la journée où on parle le moins habituellement. Par contre, aujourd'hui, on n'aura pas Alexandrine Pichessire. Oui, malheureusement. Donc, on a une petite demi-heure à passer ensemble, toi et moi. Donc, on n'a pas de petit pot ce matin. Pas de petit pot pour refaire nos besoins. Non, mais tu sais, elle nous amène tout le temps quelque chose à manger, gentille Alexandrine. Ah, elle est parfaite, hein? Mais elle va être de retour la semaine prochaine. Et voilà, oui. À 8h, Sébastien F. Guertin, son éditorial Bulletin Guertin. On va parler d'un sujet d'actualité. On parle de NICAB sans cesse depuis deux semaines. Peut-être pouvons-nous espérer un nouveau sujet? Passer à autre chose. Ben ouais. On va voir. À 8h. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe, ils posent une question à Internet. Essaie d'y répondre. Évidemment, je ne dirai pas la question tout de suite, là, mais... Non, on ne dira pas. On va lui laisser le choix de le faire. Exactement. S'il veut nous voler des punchs dès le départ, alors je pense qu'il va commencer par poser la question quand même. Sûrement. Ouais, mais ça va goûter bon. Je sais que ça va goûter bon. Ah ouais! Hey! Scratch and sniff! Ah, peut-être! Ouh! Et puis, on va faire aussi Tania's Gonna Entertainment, ta chronique à toi. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Hey, on m'a mise au défi hier de parler une des applications les plus connues en 2015. OK. Donc, en fait, ben oui, je vais pas tourner autour du pot. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Tinder. Oh, yeah! Ouais. Tinder! Ouais. Ah. Là, ça détruit les vies, ça! Ça détruit les vies, mais mon Dieu, ça renchérit des poches ailleurs, hein? Alors... Ouais, ça parle pour toi, hein? Non, non, non, mais là, c'est pas ça que je voulais dire. Je parlais de poches d'argent. OK, OK, mais tu fais ce que tu veux avec ta poche. C'est ça. Donc, Tania is gonna entertain you. Ça s'en vient plus tard dans l'émission, vers la fin, n'est-ce pas? Oui. Dans quelques instants, on va se procurer des gadgets sur Internet dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais avant ça, on écoute une pièce de Twin Bandits qu'on adore du palmarès anglophone de C'est fou. Voici Rosaline. you're bringing me to tears again. You fell into my life like a gentle ray of sun, but you always came undone, didn't you? Twin Bandit. Et Rosaline. Bien sûr, à Assemblage Rookie. On l'aime beaucoup, cette tune-là, au palmarès. C'est fou, tu sais, quand on anime le mardi après-midi. Entre 15h et 18h, parce que c'est pas assez de juste animer Assemblage Rookie. Voilà. On prend l'habitude, on aime ça. Ah, oui, ben oui, ben oui, il faut. C'est parti, plaisir. Ah, ce qu'on aime dans la vie aussi, c'est dépenser de l'argent. Oui, surtout de l'argent qui n'existe pas, tu sais, de l'air du crédit. Tu sais, de l'argent Monopoly. C'est ça. La fée des dents. Là. C'est ça. Quand ta dent de sagesse. Ça finira par sortir. Oh. Ma mère m'a fait peur hier. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit, check, moi, tu sais, comme ça pousse. Puis là, j'avais mal. Fait que j'y montre ma dent. C'est puis là, elle beau, dit, hein? Ouais, mais c'est parce que pendant la nuit, ça va passer au travers de ta gencive. Puis là, ça va passer. Je suis là, maman, t'es vraiment pas fine. Ah, c'est... ça va très bien que le titre de la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. C'est ça. On l'a. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique des gadgets achetés sur Internet qu'on se procure, mais après ça, on les regrette la plupart du temps. C'est rare qu'on a quelque chose qu'on se dit, il faut absolument que je l'aie. C'est vrai. Et souvent, quand je dis, il faudrait absolument que je l'aie, je le mets dans un dossier dans mon Internet, là. Mm-hmm. Puis je l'oublie. Oh. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas grave. On se fait une petite rafale de gadgets. Commençons avec le tempescope. Qu'est-ce que tu penses que c'est un tempescope? Comme un télescope, mais qui regarde dans le temps. Ah, ça aurait pu. Non, si je te dis Tempest, genre cop, mettons. C'est comme un jeu de mots, genre. Ouais, tempest température. Cop, une tempête dans un verre d'eau, mettons. Ah, mettons. J'essaie de faire un jeu de mots. OK. Donc, Tempescope, ça recrée le bulletin météorologique de demain dans un cube, ou en tout cas un prisme de plexiglas. Si tu veux savoir si tu vas avoir besoin de ton parapluie demain, tu pourrais évidemment partir l'application Température Météo sur ton téléphone cellulaire, mais c'est vraiment pas le fun, ça, là, on s'entend? Ouais. Le Tempescope vous donne l'information en réalité presque. Hein? En fait, ça vous dit pas la météo, ça la recrée. L'appareil est capable de générer un microclimat dans son cube transparent. C'est capable d'imiter de la pluie, des nuages et des éclairs. La compagnie travaille sur de la neige pour plus tard, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Il faut que les ingénieurs trouvent comment faire. Oui, c'est ça. Donc, le cube va en ligne, va chercher ton bulletin météorologique pour ta ville à toi, ou n'importe quel endroit que tu demandes, et ça te donne la température. Par exemple, ça pourrait être un être cher qui est en vacances ouais. quelque part pour avoir sa température. Il y a une campagne Indiegogo qui a été lancée le 30 septembre. Les 2000 premières unités étaient disponibles pour ceux qui voulaient donner 200$ en argent. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. Le lien est tempestscope.com pour plus de détails. Température ambiante dans votre maison. Quand même cool. Ça fait-tu du soleil? Non, ça n'a pas l'air à ça. J'imagine que ça fait juste probablement rien ou juste réfléchir la lumière ambiante de ta pièce. 226 000$ américains où ils sont rendus en ce moment. Ils sont à 57% de leur financement. Ils demandent 398 millions de dollars américains. Nous, 398 000$ américains. Et c'est un projet à montant fixe. Donc, ils doivent absolument se rendre jusque-là. C'est bizarre que ce soit pas un chiffre rond. Ouais. C'est un petit peu ambigu, 398 000$. Mais... c'est quand même assez dispendieux là, pour de la pluie. Vraiment. Mais l'idée est vraiment cool, puis si ça fonctionne, un jour, peut-être, aurons-nous quelque chose de moins cher. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Dans les grands magasins. Ensuite, j'ai entendu dire à travers les branches que t'aimais prendre des selfies de toi-même. Mettons. T'as entendu dire entre les branches. Peut-être que ta chronique même d'aujourd'hui est sur Tinder, tu sais. Pas ta chronique est sur Tinder. Ouais. Mais t'es sur Tinder en train de faire un selfie de ta chronique. Ah! Peut-être plus tard. Ah, j'avais pas pensé à ça. Tu feras ça pendant ta chronique sur Tinder. Ouais, je pourrais. Bref, ton chien, Tania. Oui, mon chien, qu'est-ce qu'il y a? Bowie. T'as pas de chien? Bowie, t'as un chien? J'ai un chien. T'as un chien pour vrai? Je te le dis. Tu m'as jamais dit ça. Il s'appelle Bowie. C'est parce que tu l'aimes pas, tu m'as jamais parlé de ça? Mais non, c'est parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler de mon chien. Moi, en tout cas, je trouve qu'en un mois, si tu l'as pas mentionné, c'est parce que tu l'aimes pas. C'est pas vrai. En tout cas, j'aime beaucoup mon chien. Ah, pas sûr de ça. Qu'est-ce qui se passe avec mon chien? Donc, il aimerait ça pouvoir prendre des selfies comme sa maîtresse. C'est sûr. C'est sûr. Mon chien est tellement photogénique. Ah oui, pour vrai? Ouais. J'ai jamais vu ça sur aucun de tes selfies. Je comprends pas. Encore une fois, c'est parce que tu l'aimes pas. Donc, Pooch Selfie, ça permet à ton chien d'accepter de prendre des selfies. Hein? Ah, OK. Ah, oui. Donc, des fois, t'as peut-être de la misère à prendre une photo avec ton chien. Peut-être que c'est pour ça qu'il regarde jamais la lentille. Ouais. Il regarde jamais la. C'est vrai que c'est difficile à les faire focusser, hein? Ben, c'est ça. Imagine si, au bout de ton bâton de selfie, ton selfie stick, oui, t'avais une balle de tennis. Oh, ça serait une bonne idée. Ben voilà, donc le Pooch Selfie, c'est un attachement pour téléphone cellulaire qui tient une balle de tennis d'un côté et ton téléphone cellulaire de l'autre côté. Donc tu peux prendre autant de selfies, d'autoportraits, d'égoportraits comme vous voulez pendant que votre chien regarde la balle. Hein? C'est un appareil très très simple pour des tonnes de plaisir. 13$ pour un, 25$ pour deux. Ça va être envoyé à partir du mois de décembre de cette année. C'est une bonne idée qui coûte cher. Oui, mais c'est un projet Kickstarter. Faut bien que tu les encourages. Ouais. C'est leur premier produit, sûrement. Je suis d'accord. C'est nouveau pour eux de faire ça. Et on s'entend qu'une balle de tennis attachée après un selfie stick, c'est pas comme si c'était, ça demandait des années d'ingénierie et de métallurgie. C'est sûr que là, mais bon. Ça doit pas, hein? Ah, ensuite, t'es une fille à la mode. Oui. Ton chien aussi. Oui. Est-ce que t'as déjà essayé de faire porter une cravate à ton chien? Jamais. C'est Bowie est un gars ou une fille? Un gars. Un garçon. Un Donc, garçon. Il aimerait probablement porter une cravate en liège. Ben oui. Peut-être, pour pouvoir peut-être mettre des post-it dessus. Sur chien. Mon chien. C'est un petit reminder de nourrir ton chien en le mettant sur ton chien. Oublie pas de me nourrir. Genre. Donc, le liège, non seulement c'est résistant à l'eau, c'est résistant au feu, c'est flottant, c'est antimicrobiologique, peut-être, anti-moisissure et hypoallergène. Savais-tu tout ça du liège? Hey, je savais pas ça. Moi, je savais pas tout ça, la plupart. C'est aussi c'est bon pour mettre à l'épreuve du son et c'est bon pour les bouteilles de vin, évidemment. Donc, le cork necktie, ça vient du Portugal, c'est fait à la main. C'est vraiment du cork oak tree, on utilisait un arbre qui fait du liège. Donc c'est une cravate mince, mm-hmm, douce, et dans laquelle on peut faire des nœuds. Ok. Donc le cork, le liège est ramassé à chaque 7 à 9 ans de ces arbres-là, un peu comme on fait avec les moutons pour leur laine. Et ça peut durer ces arbres-là, est-ce que c'est ce que je comprends bien, ça peut durer jusqu'à 200 ans, je crois que c'est ce que ça veut dire. Ouais, je pense aussi. Ouais, et ça fait un très beau cadeau pour la cravate, bien sûr, cravate originale en liège, c'est quand même bien. Mm-hmm, c'est vrai. Tu sais, quand tu dis, rentre pas dans l'appartement, ton coloc, s'il y a une cravate, ça poignée de porte, ben tu pourrais littéralement marquer quelque chose sur une post. Mais c'est pas des bas? Ah, ça dépend. Ça dépend si t'es de la classe, si tu vas avec les cravates, c'est plus un petit degré, une coche. J'avoue qu'avec une cravate en liège, dans un bureau d'homme, ouais, ça serait pas pire. On repasse plus tard, je suis en train de faire mon nooner. C'est ça? Ouais. Bon. Nanou nanoun. Comme disait j'allais dire Brian Williams, l'animateur de nouvelles. Non, attends, c'est qui? Robin Williams. Robin Williams. Nanou nanou. Ensuite, tiens, ça c'est une lampe, Tania, c'est une lampe, oui. Mais c'est pas une lampe comme les autres. Une lampe, c'est un peu plate, tout le monde a un abat-jour pareil, on s'entend que c'est un peu ennuyant. Mm-hmm. Donc ici, c'est une lampe, mais qui n'a pas d'abat-jour elle-même. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle projette un abat-jour sur le mur le plus près. Ben oui. C'est juste un bâton, finalement, avec un pied. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire, c'est la U-Light des designers Naoki Ono et Yuki Yamamoto. Lampe minimaliste d'illusion qui, lorsque allumée, va projeter une ombre blanche sur le mur, une silhouette très unique, très efficace côté énergétique, avec des lumières LED à haute puissance. Ça fonctionne parfait comme lumière de nuit ou comme lampe de chevet. Parfait pour faire aussi des marionnettes de doigts, des petits loups. Ben oui. Je suis en train de te mimer un loup. Mais j'avoue que c'est vraiment cool parce que ça prend beaucoup moins de place. Tu sais, un abat-jour, la plupart du temps, ça va être gros, ça va être massif. Ouais. Puis là, tu peux pas rien mettre d'autre à côté. Tu sais, là, tu peux mettre des livres, exemple. Tu peux empiler des livres à côté. T'as pas l'abat-jour qui est dans le chemin. On a tous rêvé de pouvoir mettre des livres sur sa lampe, tu sais. Pas sur la lampe, mais en dessous de la lampe, exemple. Ah oui, je comprends ce que ça veut dire. Oui, voilà. Ouais. Mais bref, est-ce que tu peux faire des loups avec une lampe normale? Non, fait que déjà. Ben, tu pourrais, mais sur un autre mur. Oui. Une lumière. Ouais. On fait des mimes à radio, caméra 3. Caméra 3. Le micro magique peut-être pourrait entendre nos mimes aussi. Est-ce qu'on l'entend? Mais je trouve ça très intelligent. Fais-moi des mimes. Ouais, tu fais pas assez de bruit. Ah. Oh. Ah. OK. Quand t'es en voiture, Tania. Oui. Je sais que j'ai déjà vu des restants de fast-food dans ton auto. T'as déjà vu des restants d'autres choses ici dans mon auto, hein? Ouais, c'est ça, oh, là, ça a l'air louche. Dis de même, là. Dis de même, j'ai rien dit. Alors, en tout cas, imaginez-vous ce que vous voulez. Non, mais tout ça pour dire que nous, Mathieu et moi, on a déjà joué les camelots pour le Zone Campus. Oui. Fait qu'il est resté des morceaux d'attache. On sait comme ils disent « Camelot Rider ». Tu connais pas la chanson Low Rider? Je vais t'avouer que non, puis là, ça vient de me troubler un peu. Sinon, t'avais t'as Cam Flow Rider aussi. Cam Flow Rider. Lui, je le connais. Cam Flow Rider. Donc, toi qui manges du fast-food dans ton auto des fois, tu peux transformer ton, ta voiture, en fait, en une table à dîner, une table à manger. OK. En cafétéria, si on veut, avec l'aide de cette table attachable à ton volant. C'est fait pour être utilisé lorsque la voiture est stationnée, bien sûr. Okay, surface plane idéale pour écrire ou encore pour manger. C'est très simple, c'est une petite tablette de plastique qui se connecte à votre volant. Et tu peux mettre tes frites, ta liqueur et ton sandwich. Je sais pas pourquoi il y a un sandwich, je sais pas dans quel fast-food ils servent liqueur, frites et sandwich. Subway? Ah non, il y a pas de non, frites, c'est un vrai. Sandwich pain blanc traditionnel tranché. C'est comme, c'est vrai, hein? C'est sûrement son lunch qui s'est amené des patates frites... puis les a mis dans un contenant. Je comprends pas. Là, peut-être mais... qu'aux États-Unis, ça se voit beaucoup. Des sandwichs, peut-être, genre poulet pressé là, dans des fast-foods. Je vais te prendre un mec poulet pressé, s'il te plaît. Peut-être. 25$, 39, ben trop cher, mais quand même, c'est le AutoExec Wheelmate Steering Wheel Attachable Work Surface Tray. C'est coté 4 étoiles sur 5, selon 1200 personnes en moyenne. Mais ça serait très avantageux d'en avoir une version pour les gens qui sont assis en arrière. Tu sais, exemple, que tu fais un road trip. Ouais. Tout en pogné en arrière avec le petit... Puis il y a toujours en plus le truc pour s'accoter la tête du siège en avant. Il y a tout le temps des bâtons de métal, ça pourrait s'accrocher après ça. Puis oui, exact. Tout à fait, Tania. Bon, on vient partir un Kickstarter. C'est ça, on vient de révolutionner le monde encore une fois ce matin. À chaque jour, c'est ce qu'on fait. Ensuite, on a parlé de liège tantôt avec une cravate en liège. Oui. Restons dans le même domaine du liège. D'accord. C'est un organisateur de bureau avec des... En fait, c'est comme en forme de cactus. C'est une plante, un pot de plante. En liège. En fait, le pot de plante n'est pas en liège. C'est un pot de, je crois, je sais pas si c'est en quoi, un pot ou pas en céramique. En terre cuite, c'est ce que je cherchais. Mais avec une, on dirait une patate. C'est vraiment laid. Ou un kiwi, je trouve, on dirait un kiwi. Aussi. Mais c'est supposé être en forme de cactus et c'est du liège. Donc, tu peux venir piner tes messages sur le cactus, le cork cactus de la compagnie Sock UK. Comment ça UK. S'appelle? Sock UK. OK. Ouais. Pour acheter un petit peu de nature dans votre environnement de travail, beaucoup trop ultra moderne, quelque chose comme ça. Et ça inclut les pushpins, les petites pinouches qui ressemblent à des pics de cactus. Je sais pas de quelle sorte de cactus on parle ici. Et le pot, comme tu as dit, de terre cuite en dessous qui peut en plus mettre, accueillir tes pins et d'autres affaires, des attaches, des trombones en dessous du cactus. Tu peux retirer le cactus, mettre des trucs dans le pot de terre cuite et remettre le cactus dessus. Quand même. C'est vraiment quand même pas si pire. Beaucoup de choses en même temps, mais ça fait très très magasin, tu sais, genre magasin de décor où t'as des gadgets que personne n'achète, mais ils se donnent ça en cadeau de joke, là. Mettons. Ça fait un peu ça. Donc le Cork Cactus, disponible sur assemblagerequis.com, comme toujours, il n'y a pas le prix rapide comme ça, il est sûrement ailleurs sur le site. Ensuite, c'est des verres et des coupes de bar. Tu sais, quand tu te mets à boire, Tania, comme une défoncée. Ça m'arrive jamais. Jamais du tout. T'es maladroite un peu, tu commences à être maladroite, tu t'enfarges le coude dans ton verre. Tu passes proche de tout renverser. Hein? Jamais. Jamais. Jamais. Ça arrive au meilleur, arrête donc. Et voilà. Donc maintenant, c'est de nouveaux verres avec une meilleure option, c'est les Mighty Mug Barware. C'est un ensemble avec un bas, un dessous spécial que la compagnie appelle Smart Grip Technology. C'est donc impossible de renverser ton verre ou ta coupe. J'ai déjà vu ça. Si je me souviens bien, je crois que c'est au Urban Outfitters à Montréal. Ouh, fancy, hein? Tu sais, parce qu'au Urban Outfitters, en bas, il y a comme une section où c'est plein de gugus. Ouais. Des États-Unis qui vendent, puis il y a des vinyles, puis il y a tout ça, des Polaroids, blablabla. Je pense que j'ai vu ça là. Est-ce que t'avais... Parce qu'il faut différencier entre les tasses et coupes, par exemple, avec un aimant ou avec okay. une suction en dessous, parce que c'est pas la même chose, il y aura non, pas non, de suction. Non. C'est vraiment... un peu comme l'accrocher, mais il va revenir. Un peu comme les affaires pour enfants, là. Souvent qu'il y a comme un genre de gravité qui fait que ouais, ça peut pas tomber. Ça. Bref, le Smart Grip en dessous du verre va créer un effet de vacuum... Un mm-hmm. effet d'aspiration qui va barrer la tasse ou le verre à la surface, ce qui va l'empêcher de tomber. Donc, l'effet vacuum est relâché instantanément lorsque l'on prend la tasse directement vers le haut, ce qui ne demande aucun effort. Ça va pas, ça va pas à tirer dessus pour l'enlever. Donc, les verres sont faits plastique Triton sans aucun BPA. Donc, c'est presque indestructible. Ça va au lave-vaisselle sans aucun problème. Il y a la coupe de vin. T'as la Pilsner pour la bière, la pinte pour la bière et le Double Old Fashion, qui est une autre sorte de verre que je connais un peu moins, mais quand même. Avec des prix qui débutent à 30$ pour un ensemble de deux sur une campagne Kickstarter en ce moment, qui a reçu l'argent nécessaire, donc ça devrait être produit si tout va bien. Ils sont rendus, ils demandaient 5 000$ et ils sont montés à 34 500$. Ah! Tu vois, c'est le genre de choses que ça me surprendrait pas de voir dans un magasin comme, exemple, Stoke oui. pendant le temps des fêtes. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, donc ils ont réussi à ramasser 35 000, donc j'imagine pour que les ça devait alcooliques pas, de vos familles. Ça devait pas exister à ce moment-là, ouais, exact. Ensuite, on aime beaucoup les Lego. Oui. Tout ce qui est fait en Lego, c'est beau. Je pense que déjà, même si c'est une création d'un enfant de 4 ans, ça va être quand même beau, c'est des Lego. On en parle souvent des Lego, hein, on aime c'est vrai. Ça. Il y a toujours quelque chose avec les Lego, mais as-tu déjà entendu parler de blocs Lego en bois? Non, mais je trouve ça beau. C'est du bois naturel, tout à fait. C'est des Moku Lock. Moku oui. Lock, M-O-K-U. Qui permet à votre imagination, à votre créativité d'utiliser en plus des produits naturels. Hein? Donc, c'est des blocs qui s'emboîtent du Japon. C'est fait à partir de 6 types d'arbres, de bois, pardon, 100% naturel. Le Japanese Cherry, le Japanese Big Leaf Magnolia, le Maple, c'est l'érable, Hornbeam, Birch et Japanese Selkova. Sans aucune huile, dans le fond, d'aucune huile toxique, des huiles pour rendre le fini un petit peu illustré. Aucun produit chimique, peinture ou colle n'a été utilisé là-dedans. Ça vient en ensemble de 24 ou de 48 morceaux. Et vraiment, c'est cool de jouer au Lego à la place de du plastique, c'est du bois. Ça fait des beaux chalets, mettons. Mettons. C'est... Tu peux te construire quelque chose de bien avec ça. Ça a de la classe, on s'entend là-dessus. Tu peux quasiment te faire une table avec ça. Ben, okay, pourquoi pas? Si t'en achètes à coût de 48, ça va te coûter cher. Ouais, mais j'avoue. Non, mais je trouve ça très cute en bois. Ouais. Moculoc. On dirait des boculottes, mais c'est pas ça. Moculoc. Ensuite, on revient à ton chien. On a appris tantôt qu'il voulait porter une cravate. Mm-hmm. Ton ben chien, oui, mon chien Bowie. A du goût, oui, Bowie. Bowie. Donc, assurez-vous que Bowie tient une place pour se soulager si jamais vous êtes pris au travail pendant un petit peu plus de temps que prévu avec une toilette de faux gazon. Tu sais, le petit gazon vert synthétique. Moi, mon chien fait pas pipi dehors, ah, en passant. Ah, ben, quand! Il fait pipi dans une litière, quoi. Il y a un pipi pad. Ah, c'est beau! Il a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a du faux gazon dessus? Non, malheureusement, mais je suis pas certaine qu'il comprendrait qu'il peut faire pipi sur le gazon. Parce qu'il est pas habitué à aller... Parce qu'il est pas habitué. Ouais, tout à fait. Quoi que si on est à l'extérieur, il peut le faire. Fait que peut-être ah, il est capable. Qu'il comprendrait, ouais. Il y a pas de blocage là, mental. Non, il n'y a pas... Non, on peut-tu pas parler de la vessie de mon chien, madame? Ben, c'est intéressant, j'ai jamais entendu parler de ton chien avant parce que tu l'aimes pas. Hey, je l'aime, mon chien, je l'aime beaucoup, mon chien. Donc, le gazon est supposé avoir l'air de vrai gazon. Moi, je trouve que ça a l'air synthétique, un peu, on dirait un terrain de soccer, mais quand même. Pour 150$ en plus, votre pipi, ça coûte cher du pipi. Mettons que tu peux t'en construire un vraiment moins cher que ça. C'est sûr, certain que oui. Sûr. Moi aussi. Mais bon. Après ça, faut que tu le laves, là. Faut que tu le laves. Pas ouais. sûr que ça me tente finalement. On va aller voir sur Amazon un petit peu comment s'ils parlent de saleté et tout ça. Parfait pour instruire votre chien comment faire du pipi sur un gazon. Ok. Pas de pattes mouillées, donc un système de drainage automatique et innovateur. dans le gazon synthétique qui va drainer l'urine pour pas qu'elle reste à la surface. T'as le contrôle des odeurs immédiat, donc il y a une poudre qui absorbe l'urine au contact. T'as une base renforcée qui accepte le poids de votre animal de compagnie. C'est facile à nettoyer, on dit... c'est des pee pods, tray, donc il y a des tray liners. Ah. Un peu comme les litières où t'as des plastiques qui vont en dessus de la litière pour simplifier la tâche. Biodégradable, j'imagine qu'il va falloir que tu rachètes des refills tout le temps de ça, donc ça pourrait commencer à être cher, surtout si ça coûte déjà 150$ à la base. On remplace les pee pads, oui, pour une solution plus enviro-énergétique, éco-amicale, etc. C'est parfait pour les gros chiens, jusqu'au Labrador, Golden Retriever, les Australian Shepherd, Husky Boxer, etc. $150. C'est très cher, mais vraiment. Bon. Ensuite, une tasse de voyage. On aime tous ces tasses de voyage, tellement cute par moment. Oui, celle-ci, c'est tellement pratique. Ben oui, celle-ci ressemble à un pot maçon. J'ai des amis qui utilisent des pots maçons comme tasse, toi. Moi, je fais ça. Donc, je connais maintenant 3 personnes qui utilisent des pots maçons. Parce que ça garde au chaud le liquide à l'intérieur. Oui. Ouais, maintenant, tu peux entourer ce pot maçon-là de cuir pour ajouter une poignée. Parce que et si tu manquais à ta tasse, à ton pot maçon, c'était une poignée. T'as toujours dit ça à vous, là. Ben, il existe des pots maçons déjà avec une poignée. Avec un couvercle et tout? Parce qu'il y a des pots maçons avec une poignée qui est genre pour être fancy ou t'en as une pinte, mettons. Ouais, c'est ça. Okay. Bref, c'est un pot maçon de 16 onces avec une couverture en cuir. OK. Vegetable tan ladder, une sorte de cuir que je connais pas trop. Donc, la tasse est faite avec... c'est ça, avec du cuir autour de... solide qui ne va pas glisser dans votre main. Et c'est parfait comme accessoire pour amener ton café ou le thé sur la route. Et ça a une apparence unique qui va se démarquer des autres. Voilà. Produit qui va attirer l'attention. Ensuite, c'est du beurre d'arachide. On a toujours des produits caféinés à Assemblage Requis dans cette chronique-là. Tout le temps. Tout le temps, quelque part. Et cette fois-ci, c'est du beurre d'arachide caféiné. Pour le double de votre dose de café nécessaire le matin. What? Ouais, plusieurs gens commencent leur journée avec des rôtis ou du pain à la confiture et au beurre d'arachide. Mm-hmm. Donc, c'est le Caffeinated Peanut Butter qui va racheter une deuxième dose. C'est une compagnie basée au Massachusetts qui s'appelle Steam, S-T-E-E-M. Chaque portion de 2 cuillerées à table va contenir autant de café qu'une tasse de café normale. Et le mélange au complet est fait d'ingrédients complètement naturels. Donc, des extraits de café vert, du sel, des arachides, de l'huile d'arachide et du nectar d'agave pour donner encore un petit peu plus de sucré. Il y a quand même pas mal de protéines là-dedans, là. J'ai pas vu les protéines. C'est 8 grammes de protéines. Oh! C'est pas rien. C'est pas rien. Je sais pas si c'est des protéines, là. Je sais pas. C'est bon. Je te fais confiance. Ouais. Génial. T'es peut-être mieux pas, mais bon. Ah, je sais pas. Et on va terminer avec un dernier. Tiens, pourquoi pas une bouteille? Ça change n'importe quelle bouteille, ce système-là. C'est Oula, U-L-L-A, qui change n'importe quelle bouteille ou verre en rappel de s'hydrater. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut boire 8 bouteilles d'eau par jour, 8 verres d'eau par jour. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est beaucoup trop, que c'est n'importe quoi comme règle. Bref, il y en a qui disent qu'il faut qu'on boive jusqu'à quand on a soif ou avant d'avoir soif, en fait. S'assurer de ne pas avoir soif. Peu importe les règles, hein? Allons-y donc avec une alerte ici. C'est, oui. C'est quelque chose qu'on met sur sa bouteille ou dans son verre, ou sur son verre, pardon, et qui va vous alerter à chaque 30 minutes de boire de l'eau. Ben, tu sais quoi, il existe une application aussi pour ton téléphone qui fait ça. Intéressant. Si tu pouvais me trouver le nom de ça, ce serait cool. Faudrait que je demande à ma cousine, c'est elle qui me l'avait montré, parce qu'elle oublie ouais. avec son travail de boire. C'est la même chose. Plus son téléphone, il bip-bip, genre quand j'aimerais ça avoir ça. Ça dit, tu devrais t'hydrater. Tu diras ça à ta cousine, puis tu diras « Thank you, Zin! » « Thank you, Zin! » Mais que ce soit fait. Donc, lumière LED qui éclaire et s'illumine quand on a besoin de prendre un verre. Il n'y a pas de son, rien pour déranger personne dans votre bureau. Si vous manquez 2 alertes aux 30 minutes, ça va s'éteindre et ça va recommencer à fonctionner seulement quand tu vas revenir à ton bureau. Donc, on s'imagine sur l'heure du dîner, si tu pars plus qu'une demi-heure, tu manques 2 alarmes de suite, ça va arrêter. Oula peut fonctionner sur une pile pendant jusqu'à 6 mois. Et ça vient en plusieurs couleurs. Ça fit sur la plupart des bouteilles d'eau et des verres. Le prix est de $30 et ça inclut le shipping aux États-Unis, sûrement pas au Canada. Plus d'informations sur oula.io, ULLA.io. Voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com. C'est cool, hein? C'est très cool. C'est tout pour Ça existe, mais ça ne devrait pas. On fait ça pas mal tous les mercredis à Assemblage Requis. On prend une pause au retour. Sébastien F. Guertin et la chronique Bulletin Guertin. Merci. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, toujours à Assemblage Reiki. On est mercredi 14 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument, absolument. Et on a l'honneur de recevoir à chaque semaine un analyste politique et un analyste de l'actualité internationale. Il ne va pas vous dire, lui, qu'une compagnie vaut certains milliards de dollars. Peut-être en parlerons-nous plus tard. Donc, lui, il peut vous dire, par contre, ce qui se passe pour les combien il y a de monde dans sa planète, c'est... On doit être rendu à comme 7 points quelque. 7 à 8 ouais. Milliards de gens sur Terre. Donc lui, c'est de ça qu'il parle. Tu sais, parce que pendant, dans une galaxie près de chez vous, ça disait 6 points quelques milliards. Là, ça fait une couple d'années. Ouais, c'est ça, exact. Donc, tiens, il va nous parler de ces 7 à 8 milliards de gens. Voici le bulletin Gertin de Sébastien F. Gertin. Belle tentative. Pas tant, non, pas tant. Mais bonjour à toi. L'important, c'est de participer. Ah, je participe à tous les jours. Si je réussis plus que la note de passage, mettons 65% du temps. Ouais, mettons. Je suis correct. C'est pas pire. Mettons. Donc, Sébastien, bulletin de Gertin, on parle d'actualité, on parle de choses qui se passent dans le monde. Et oui. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de devinez quoi? Tinder, je savais. Ben oui, c'est ça. Je m'en allais vous parler de Tinder. Non, en fait, je m'en allais vous parler de la campagne électorale. Ben oui, encore. Ah, boy. Peut-être la dernière fois. OK, est-ce qu'il y a encore des ICABs? On va peut-être faire allusion. Allusion, d'accord. Peut-être que le mot va être prononcé, mais je me suis dit qu'après les deux dernières chroniques qui avaient été lourdes un peu et avec des sujets un peu plus compliqués, puis tout, je me suis dit que... Cette semaine, j'y allais avec la légèreté un petit peu. Ouais, mais c'est sûr qu'il va y avoir une allusion au NICAP parce que même lors de n'importe quel débat, la question n'a aucunement rapport avec le NICAP. Ils l'ont quand même, nommé. Tu sais, fait que Sébastien, il fera pas exprès comme un politicien. Bang, bang, NICAP, pas fait exprès. Yo. Sorry, not sorry, hashtag. Pirotite, NICAP, oh oui, c'est le même sujet. On avait la. Je pense qu'on a la même référence en tête. Le débat au 10-12 la semaine passée. C'était vraiment de toutes les beautés. Il a plugué une autre place aussi. Je pense que c'était quand il parlait des eaux usées. Ah oui, bah c'est ça. Je pense que oui. Eaux usées, dump de Montréal. Bien dans facile le rat, NICAP. Ouais, ouais. Même affaire. Même combat. Tout le monde fait ça, c'est comme un lapsus. Ben oui. Ouais, c'est ça. Du caca dans le fleuve, niqab, même combat. Ah, niqab. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est parti. Donc, ce que je me suis dit que je ferais cette semaine à place de encore choisir un truc vraiment abstrait et compliqué, puis d'essayer de rendre ça un peu moins abstrait et compliqué, je me suis dit que j'y allais un petit peu plus dans la simplicité et même avec un petit peu d'humour à ma tête. En tout cas, je vais m'essayer. Oh! Est-ce qu'on va se taper ses cuisses comme les grandes gueules? Je le sais pas. Non. Non. J'espère. N'importe quoi qui finit par « comme les grandes gueules », c'est mon objectif de faire le contraire à peu près. Hey, pareil pour ça. Wow. On va pas chioler contre les autres réseaux. Les grandes gueules, j'ai une petite dingue contre ça. Je m'en empêche pas vraiment de parler contre OUZ FM dans la vie. Ouais, voilà. Désolé. Sorry, not sorry. Je savais que tu le faisais en dehors des ondes, mais j'avais jamais remarqué. J'ai pas flashé sur le fait que tu le faisais. Faudrait calculer le nombre de fois par semaine que Mathieu Plante rouge. Absolument une fois. Plante rouge FM. Que Mathieu Plante. Une fois par semaine, pas plus que ça. T'en as parlé hier, là, c'est la deuxième. Oups. Ça se pourra pas la semaine prochaine. Ah! C'est une référence à la semaine passée, c'est une citation de moi-même. C'est ça. Bref, je dérête la chronique tout le temps. Ben, c'est des choses qui arrivent, c'est correct, en même temps. C'est ça qui est plaisant, assemblage requis. Oh yeah! On va se flatter un petit peu en même temps. T'es fin. Bon, fait que moi, c'était ce que... L'idée m'était venue, en fait, avec un meme sur Facebook, un meme, c'est une image avec une joke dessus. Un running gag. À propos de, t'avais une face de Harper ou je sais plus trop quoi, puis qui disait « Est-ce que t'es un milliardaire égocentrique? Non. Donc, pourquoi est-ce que tu votes pour Harper? » Ben, ouais. Puis, la joke m'est un peu restée dans la tête, puis je me suis dit « Hey, je pourrais faire une liste de qui devrait voter pour cette partie-là. » C'est pas rien que les conservateurs, je l'ai fait pour toute la gang, par souci d'équitabilité. C'est très bon. Ça me rappelle Donald Trump et Stephen Harper, qu'on voit souvent leurs photos côte à côte sur Facebook. Voulez-vous vraiment que l'Amérique soit représentée Donald Trump et Stephen Harper? Il y a des choses qui font peur dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais une. C'est viral sur Facebook présentement. Mais ça représente très, très bien quand même l'Amérique du Nord d'avoir Trump et Harper. Arrête de la majorité, dire... non? Arrête de dire des choses tristes comme ça. Excuse-moi. Excuse-moi, je fais pas exprès. Ça me fait mal. Osez, pirotite. Bon. Pour ceux qui comprennent pas, on fait référence au débat qu'il y a eu la semaine passée ici. Oui, au 10-12. À Trois-Rivières. Au 10-12. Ouais, c'est ça. Débat organisé par la GEQTR où le. On s'attendait à ce que probablement qu'il aille soit le candidat conservateur et ou le candidat bloquiste qui parle de NICAB. Ouais. Ils n'en ont pas parlé du tout. D'ailleurs, gros bon point pour eux autres. C'est resté très très même. Le conservateur, tant qu'à moi, était, on peut en parler deux secondes. Il m'a positivement surpris. Là, je m'attendais à. Il y avait quand même pas un public facile pour ce qu'il défendait, mettons. Là. Puis c'est vrai. Je pense qu'il s'en est quand même assez. Personnellement, il s'en est bien tiré. Là. Ça veut pas dire que je nécessairement que je donne mon appui au parti, mais bon, au moins en tant que candidat, il était bien correct, répondu hein. Aux questions qui étaient dirigées vers lui, mettons. Ouais, c'est ça. Cool. C'est sûr qu'il a répondu une couple d'affaires un petit peu étrange. Non. Puis d'ailleurs, il s'est fait caler systématiquement toutes les fois par le candidat du NPD. Petite oui. tranche de vie, le candidat du NPD, c'était mon prof de géo de secondaire 3. Puis on le connaissait de même, tu sais. Ouais, c'est ça. Dans hein? une il se débrouillait bien avec des adolescents de 15 ans, avec les hormones dans le tapis, fait qu'on s'entend qu'en politique. Ben, ce qui était le fun pour Robert Aubin. Il y a une préparation. Absolument. Ce qui était le fun pour Robert Aubin du NPD, c'est qu'il était juste après le candidat conservateur. Donc, tout le temps. Peu importe qui était tiré, à moins que ça commence par Robert Aubin, ce qui est arrivé une couple de fois, mais le reste du temps, il était tout le temps après le candidat conservateur, fait qu'il pouvait tout le temps directement après, ping! Parce que le député conservateur, on doit le dire, il allait lui aussi chercher Robert Aubin, maintenant. Oui, et là, on pouvait se défendre parce qu'il était tout le temps après. Peut-être comme juste pour te dire que non, t'as tort. C'est ça. On passe. Hein? C'était peut-être très respectueux quand même. Oui. Moi, je pense que c'était un débat intéressant parce qu'entre autres, étant donné la formule assez, justement, non face-à-face, là, c'est comme le contraire d'un face-à-face. Là, mm-hmm, c'était c'est répondre vrai. Un après l'autre. Côte à côte, ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont pu, à la place de juste perdre du temps à repitcher leur ligne de parti contre telle ou telle autre proposition de l'autre parti, ils ont pu parler de leurs affaires à la place, puis de parler de eux autres en tant que candidats. D'ailleurs, les questions étaient un peu axées comme ça. Tu sais, à place de garocher votre ligne de parti, plutôt vous en tant que candidat de Trois-Rivières, eut égard du parti pour lequel vous vous présentez, mm-hmm. ben qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Ça c'était bien. Il y a eu deux exceptions notables à ça. C'était le Parti Vert que littéralement il faisait juste. Il devait avoir son. Oui, son il avait PDF son PDF. Il avait son PDF avec lui, puis il faisait juste le lire. Là. C'était carrément ça. Même il y a eu une question du public, que carrément, la personne qui a posé la question a carrément dit: là, je veux pas savoir ce qu'il y a dans votre plateforme. Je veux vous, en tant que. Humain. Représentant, en tant qu'humain, en tant que représentant de Trois-Rivières, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Puis il n'a pas été capable de faire ça pendant tout. Ouais. Il avait l'air stressé. Sûrement son premier débat. Ouais, mais ce que j'aimais du débat du 10-12, c'est bon, premièrement, c'était gratuit, mais en plus d'avoir un débat, t'avais aussi un show de mine. Parce que c'est tellement pas éclairé. Oui, c'est vrai, on voyait juste les ombrages. Gesticulés. Tout ça pour pouvoir montrer un logo de l'AGE en fond avec une diapositive. Ouais. Ça, c'est mon commentaire éditorial à moi. J'ai le droit de dire ça. Ben oui, t'as le droit. Même si on l'a commencé par l'AGE. C'est on ça, m'a confirmé que j'avais le droit de dire ça. Présenté par l'AGE. L'AGE aurait fait dur un petit peu de se mettre à faire de la censure sur ce qu'on disait. C'est vrai. Ah, mais c'est pour ça que j'ai demandé aussi. Quand on a su qu'on allait être présenté par l'AGE, je me suis demandé est-ce que je peux quand même les blaster. On m'a dit que oui. Bon, voilà. Quand j'ai commencé aux zones campus, j'ai posé à peu près la même question. On m'a dit que oui. J'ai dit, parfait. C'est pour ça que l'émission. Je le fais pas tellement, c'est ça le pire. C'est pour ça que l'émission est présentée grâce à la collaboration de l'AGE et non pas présentée par l'AGE. Parce que c'est pas une émission publicitaire. Non. Par contre, ce que je vais faire là va peut-être le sembler, mais pas tant non plus. Sachez-le que non. D'ailleurs, je voulais juste faire une remarque aussi, c'est que je suis pas le seul à avoir eu cette idée-là. L'article dans le Zone Campus de Jean-François Veilleux, collègue à deux égards, c'est-à-dire en tant que. Il écrit dans le Zone Campus et qui est aussi un futur chômeur comme moi, c'est-à-dire étudiant en philosophie. C'est très bon! C'est ça, dans le fond, son dernier. Lui, Jean-François, il écrit dans la section Société, il écrit une chronique à toutes les semaines depuis d'ailleurs plusieurs années. Puis il a fait à peu près le même exercice que moi, c'est-à-dire il a pris parti par parti, puis il a dit bon, c'est quoi, qu'est-ce que c'était par. À quoi est-ce que cette partie-là essaye de répondre? C'est quoi ses points forts? C'est quoi ses points faibles? Donc, je voulais juste le noter là, pour pas qu'il sente que j'y avais piqué son idée. Là. J'ai eu l'idée avant de lire son article, mais en tout cas, je trouve ça important de quand même... C'est une idée quand même simple, c'est juste la façon de l'exploiter. C'est ça, puis c'est juste que ça donne que... C'est pas les deux seuls, je suis sûr de faire ça. Probablement pas. Tu sais, veut pas... Il y a deux mentalités un peu là-dessus, d'ailleurs. Mon prochain article au Sneak Peek, dans le zone, je parle dans le titre, je vais juste dire le titre de l'article. Le titre, c'est voici pourquoi je ne vous ai pas dit pour qui voter. Oh. Donc, fait que c'est pour ça que là, je parle de toute la gang à la place. Parce que je trouve que je devrais pas dire pour qui voter. En gros, gros résumé de mon article qui va être publié la semaine prochaine. Je pense que je suis pas mal d'accord avec ça. Moi, les journaux qui prennent parti, comme c'est quoi la presse qui a dit libéral, je sais pas quoi. En fait, la presse a dit libéral. Surprise! Ben, c'est... Ouais, quelqu'un qui est comme... Je pense que la seule fois qu'ils ont pas pris libéral, c'est une fois qu'ils ont pris conservateur, puis c'est parce que le parti libéral était comme mort et... C'était tout après le scandale des commandites puis tout. Bref. Allons, plongeons dans mon truc parce que ça me, je trouvais ça plate pour une fois que je me suis préparé quelque chose de pas pouvoir passer à travers. Vas-y. Donc, premier parti, conservateur. Qui devrait voter pour conservateur? Premièrement, les multimillionnaires, comme j'ai dit. Oui. Parce que fiscalement, c'est les plus avantagés par le parti conservateur. Le public cible. Toutes les mesures d'allègement fiscal ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Les autres personnes qui devraient aimer les conservateurs, c'est les membres de la famille royale anglaise. Ah! Parce qu'on le sait, Stephen aime beaucoup... la reine a dépensé des millions pour permettre... En fait, depuis le début du règne conservateur, vous pouvez... Il y a un truc, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler à Ottawa, puis on vous envoie gratuitement, puis ça coûte une beurrée au fédéral, on vous envoie gratuitement des posters de la reine déjà encadrés dans différents formats de votre demande, des cartes de la reine, puis tout, si vous voulez les poser chez vous, puis c'est complètement gratuit. Mais c'est ironiquement super cool de mettre ça dans ta maison. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a plein de monde qui... Je veux dire, MC Gilles, je pense que ça a été le premier au Québec à s'encadrer. Ça me fait capoter, ça. Ah, wow. Ouais, mais en fait, justement, je pense que j'avais appris ça dans le temps qu'MC Gilles faisait une... Ben, en fait, le faire encore, là, mais dans sa chronique à Infoman qui avait parlé de ça, puis en tout cas, ça a été un running gag Infoman pendant un certain temps. Donc, les autres amis des conservateurs, les groupes religieux radicaux, et là, non, je ne parle pas des islamistes, je parle des groupes, nos bons groupes religieux maison chrétiens qui, en fait, ça va être expliqué avec mon autre point. Il y a généralement les gens qui aiment les conservateurs, c'est généralement les gens qui trouvent que les femmes ont trop de droits présentement. Les gens qui trouvent, par exemple, que l'avortement devrait être un crime. Ben oui. Ces choses-là. Donc, ça vient pas mal avec les groupes religieux chrétiens radicaux, tu sais, souvent sont comme ça. Et finalement, les autres grands amis des conservateurs, si vous êtes créationniste, c'est le parti pour vous. Parce que fuck la science. Oui, j'ai dit ça en nombre. Hashtag fuck la science. Et voilà. On va créer un trend. Donc c'est ça, en gros, ça résume un peu les gens qui devraient voter conservateur. Si nos réactions vous disent ce qu'on en pense. Voilà. Donc, on a ensuite les libéraux. Qui est-ce qui devrait voter libéral? Ben, premièrement, n'importe qui est anglophone, unilingue anglophone. Ça vient avec. C'est le parti habituel. Dans le fond, les libéraux, j'en ai parlé un peu, le multiculturalisme à la Trudeau, c'est encore ce que les libéraux défendent. On s'entend, c'est son fils. Mais il fait campagne en son nom. Si les Canadiens anglophones votent par défaut libéral, ça me surprend qu'on ait un gouvernement conservateur à chaque maudite fois, non? Ben, il y a beaucoup de gens qui votent contre leur intérêt. Ouais. C'est un peu l'idée sous-jacente à ce que je dis, c'est que, en quelque part, tu sais, comme, justement, t'sais, ma première allégation, tu sais, si tu votes. Si, en partant, t'as pas de l'argent, voter conservateur, tu votes un peu contre ton intérêt parce que. Si tu gagnes en bas de, mettons, 150 000 par année, tout ce que les conservateurs proposent, jusqu'à un certain point, c'est de te retirer des affaires. Okay. Donc, c'est pour ça que, c'est pas, dans le fond, il y a une idée en économie qui a la couenne assez dure, puis d'ailleurs, c'est appliqué en politique aussi, puis dans un paquet de domaines, comme quoi est-ce que les gens sont rationnels. Ouais. Les gens prennent des décisions purement rationnelles, mais c'est pas vrai. C'est facilement démontrable que les gens prennent des décisions basées sur des ce qu'on va appeler des snap decisions, des coups de tête, basés sur notre intérêt perçu et non notre intérêt réel. Dans le fond, on pense que c'est bon pour nous autres, mais ça l'est pas nécessairement. Voir toutes les gens qui fument dans la vie. Ouais. Ouais, c'est ça. Même là, en fait, la plupart des gens qui fument le savent que c'est pas bon, mais bref. On partira pas là-dessus. Tu sais, c'est ça, il y a un paquet de raisons qui font qu'on va pas nécessairement prendre la meilleure décision pour nous autres. Il y a nécessairement des informations qu'on n'a pas non plus. Juste donc, voir les gens qui, dans la file d'attente pour aller voter, quand ils sont en couple, puis qu'un des deux du couple dit « je vais voter pour tel parti », l'autre dira pas. L'autre va dire « je voterai pas pour le parti en lequel je crois, parce que ça va annuler mon vote. Mm-hmm. » Tu sais, ça va annuler ton vote. Tu sais, genre, les annulations de vote parce que tu votes de l'autre bord que ton ami. Okay, c'est quoi ça? À quelque part, faut comprendre le principe fondamental de maladie de multiplication. D'addition. Oui. C'était le punch de ma joke en faisant un lapsus. Bravo. Je vais faire un montage pour la rediffusion. Et voici pourquoi je ne suis pas humoriste. Bon. Donc, c'est ça, tu sais, à un moment donné, on compile les votes par addition. Je veux dire, tu vas pas annuler le vote. S'il y avait deux candidats puis qu'on comptait pas la chaise, effectivement, en fait, on compte pas la chaise dans les élections au Canada, ce qui est complètement ridicule, tant qu'à moi. Mais, en tout cas, oui, tu pourrais considérer ça de même, mais il y en a 5, 6, 7 candidats qui se présentent dans chaque circonscription. Tu peux pas dire que tu annules le vote si tu votes pour un autre, tu sais. Ah ouais, c'est jamais trop ça, mais... dilué pour ouais. avoir un impact de même. Là. On l'entend trop quand même. C'est ça. Ben, tu sais, c'est des affaires de même. Comme, tu sais, moi, c'est comme le monde quand je travaillais dans un dépanneur, puis qui venait s'acheter des gratteux, puis qui disait, ah, si tu joues pas, tu gagnes pas. C'est, ouais, mais tu perds pas. Ouais, tu perds plus. Pas des ouais, tonnes ça. D'argent, exact. C'est ça l'affaire. Mais bon. Donc, les anglophones, moi, je disais ça parce qu'en fait, le multiculturalisme, pour faire une histoire courte, le multiculturalisme que les libéraux mettent de l'avant, ce qu'on appelle généralement, avec un petit peu de dédain dans la voix, la belle mosaïque canadienne, ben, en fait, ce que ça a comme effet, c'est que ça donne ça donne une force à la majorité. La majorité étant anglophone unilingue, ben c'est plate, mais les anglophones unilingues sont plus présents que. Ont comme un genre de rapport de force plus élevé quand on pense comme ça. Donc, il y a eux autres. Il y a bien évidemment toute personne qui ont une petite larme à l'œil quand ils entendent l'hymne national canadien. On s'entend, le Parti libéral, c'est le Parti Proud Canadian. Mmh. C'est à la politique canadienne, ce que Tim Horton était à la vie de tous les jours des Canadiens clichés. Il y a les membres des Premières Nations. On va quand même leur donner ça. Les libéraux semblent motivés beaucoup à réparer les torts qui ont été faits aux Autochtones et aux Premières Nations. Il y a les gens progressistes, mais rien qu'une fois au chalet. Parce que, on s'entend, le Parti libéral, il a été dit souvent dans la campagne électorale récente que le Parti libéral est quasiment plus à gauche que le NPD, qui est supposé être un parti socialiste, même s'ils l'ont enlevé. En tout cas, ça, je vais revenir là-dessus. Mais il ne faut pas oublier quand même que le Parti libéral a voté pour un paquet de cochonneries que le gouvernement Harper a essayé de nous passer dans les derniers 4 ans, notamment la loi C-51. Il me semble qu'on en a parlé il y a une couple de semaines. La loi qui fait que, en gros, qui définit les terroristes tellement large que n'importe qui, à un moment ou à un autre dans sa vie, a été un terroriste, qui fait qu'on peut être emprisonné arbitrairement si on est considéré comme des terroristes, que les services secrets ont un paquet de nouveaux pouvoirs sur notre vie privée, on peut être surveillé tout le temps. Bon, cette loi-là, qui est dégueulasse d'ailleurs pour les droits et libertés, ben, elle a été backée par les libéraux, entre autres. Donc, tu sais, progressiste, mais pas trop. Et finalement, les derniers amis des libéraux, c'est les gens qui ne peuvent résister à une belle bouille sympathique et souriante et des cheveux bouclés. Parce qu'enfin, on va se le dire, un gros argument de vente du Parti libéral présentement, c'est leur face. Chef. Puis pas nécessairement à cause du contenu. Il y a du charisme, le gars. Tu sais, tu regardes la gang d'autres politiciens, tu sais, c'est des messieurs. Ouais. Qui portent ou non la barbe, qui ont tous des vestons gris ou brun ou bleu marin, avec des cravates qui fitent avec la couleur de leur parti, qui ont les cheveux courts gris, tu sais, la même coupe dont s'entend Thomas Mulcair puis Stephen Harper ont pratiquement la même coupe de cheveux. C'est vrai. C'est juste que Stephen va se faire couper les cheveux un peu moins souvent, c'est sa seule différence. Tu sais, on s'entend, à côté de ça, Justin Trudeau, t'es comme waouh! Il a l'air jeune! Il a l'air jeune! Tu sais, pis c'est ça d'ailleurs que. On oublie, tu sais, on n'arrête pas de dire « Ah, il est jeune, Justin, c'est effrayant, il est jeune, tu sais. » Il y a 3 ans de moins que Stephen Harper quand il était là la première pour fois. Pour vrai, il a vraiment l'air beaucoup plus jeune que ça, par contre. On va se le dire. Ben, on va se le dire, il paraît plus jeune que son âge, puis les politiciens, habituellement... C'est comme le Mathieu Plante de la politique. Effectivement. Mais c'est ça, c'est que souvent les politiciens vont avoir tendance à se vieillir, à se donner un air plus vieux pour avoir l'air plus crédible, plus... Responsable, ouais. Effectivement. D'ailleurs, c'est le clou sur lequel les conservateurs dans la publicité négative ont fessé beaucoup, tu sais. « Ah, il est trop jeune, il est pas responsable. » C'est pas parce qu'il est si jeune que ça, il a 43 ans quand même. Ouais, c'est ça. Là, je veux dire, ses enfants sont rendus adolescents. Est-ce qu'il a l'air d'en avoir 32? Ben, j'irais donner à peu près mon âge. Hein. C'est ça. Ben... T'as pas l'air d'avoir 32. C'est ça, c'est ça. Lui, non content de ne pas s'être vieilli pour avoir l'air un peu plus vieux que son début de quarantaine, ben il paraît plus jeune que son âge. Mais tu sais, c'est une question de perception. Puis d'ailleurs, il y a une chose qui a été dit, je l'ai pogné dans la presse ce matin. Il y a un stratège conservateur qui a dit, ça a été prophétique, je pense, parce que là, on assiste à une remontée des libéraux dans les sondages, là, c'est effrayant. Mm-hmm. Ça, c'est, il s'enligne peut-être même pour un gouvernement majoritaire, là. Peut-être. Au moins, ça ferait changement. On va dire ce qu'on va dire. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, on s'entend que ça a été le parti qui, si tu regardes toute la temps depuis que le Canada existe, ça a été le parti qui a été le plus au pouvoir et d'une moyenne marge. Fait que changement, toute chose étant relative. Changement récent, maintenant. Changement récent. Ouais. Mais c'est ça, il y a un stratège conservateur qui dit le simple fait que Justin se présente au débat avec une paire de pantalons et rien d'autre, il va déjà avoir dépassé les attentes qu'on avait. Ça a été prophétique un peu parce qu'ils l'ont tellement planté que Justin avait juste à ne pas faire de gaffe pour bien paraître. Genre porter des Crocs, mettons. Genre. Parce qu'on s'entend que les autres chefs font systématiquement tous quand ils sont chez eux. Porter des Crocs. Ou des bas dans des sandales. Exactement. En tout cas, c'est l'image qu'essaie de donner. C'est ça, les libéraux. Parti vert. Là, on rappelle qu'on parle aux gens pour leur dire quoi, pour qui voter, là. C'est ben ça. Ouais, ça vraiment voter. S'associer à un parti. C'est ça. On, en bon québécois, chire un petit peu. On chire. Mais c'est ça. Tu sais, comme je disais, je voulais que ça soit un peu plus léger à matin pour faire question de faire changement. Parti vert, on parlait du débat tantôt. Moi, il m'a vraiment pas impressionné. Puis, dans l'Ouest canadien, le Parti vert a des très bons candidats, sont très bien organisés. D'ailleurs, Elisabeth May a fait le gros de sa... Elisabeth May, c'est la chef du Parti vert, a fait le très, très gros de sa... de la campagne électorale dans l'Ouest, parce que c'est là qu'ils ont des chances de rentrer. Mais au Québec, je me dis, en tant qu'étudiant philo, puis tout, je devrais vous dire, votez pour les principes, votez pour la plateforme du parti. Puis c'est vrai dans une certaine mesure. Mm-hmm. Mais... un poteau, il a bien beau être écologique, ça reste un poteau. C'est ça. Puis, quand le gars commence son allocution, moi, ça m'a marqué. Il commence en disant, avant de se présenter, il dit son nom, puis il dit, moi, je suis pas un poteau, je suis une personne. C'est ce, que, yeah. C'est ce qu'un poteau dirait. C'est ce qu'un poteau dirait. C'est quand tu sais que t'es un poteau. C'est ça. Fac. Bon, moi, il a pas commencé par genre, mon nom était Lafa, et aujourd'hui, je vais vous parler de... puis les genoux qui shake comme dans une présentation orale. Genre, au moins. Ben, il t'sais, était pas loin, hein? T'es pas mal proche de pas ça. Pas longtemps après, il est débarqué du stage pour aller à la salle de bain. Oui. D'après moi, il était malade. On rit absolument pas de lui. Je veux quand même y donner. Il a quand même eu le guts de se rendre là. C'est pas facile de se présenter pour un parti, mais ça reste que moi, je suis... Gardez rendu là, c'est sûr que si... On en a pas assez parlé d'environnement dans cette campagne-là, très évidemment, mais je pense que rendu là, on est tous bien de voter pour n'importe qui d'autre que ça. Ouais. Parce que, anyway, à part les conservateurs, puis je pense pas que, de toute façon, les conservateurs sont pas très en avance dans la région. Regarde, ils en ont des mesures écologiques. Ils ont toutes promis que... En tout cas, on s'entend, là, c'est des promesses électorales. Certains plus que d'autres. Mais tu sais, on s'entend, tant qu'à ça, t'es tout si bien d'avoir quelqu'un qui va vraiment faire de quoi. Mm-hmm. Ouais. Mais je sais que t'as pas les chiffres, et je te poserai même pas la question. On fait juste la lancer rhétoriquement. Mais mettons que tu prends tous les votes pour le Parti vert au Canada et que tu les ajoutes tous. Mettons qu'ils voteraient tous pour le NPD, mettons qui est comme la coche, mettons, la plus probable, peut-être, j'imagine, peut-être. Mettons. Honnêtement, là-dessus, j'en ai premièrement aucune idée. Ben c'est ça, c'est pour ça que c'est rhétorique. Très rhétorique. Ouais. Deuxièmement, ça, je suis pas nécessairement d'accord avec vraiment d'y aller simplement la logique de vote stratégique de « Ah, eux autres sont moins à mon goût, mais ils ont plus de chances d'être élus. Ouais. » Là, c'est vraiment que je me dis, c'est que... Pis, remarquez, des fois, on a eu des surprises par le passé. Ceux qui se rappellent de Ruth-Hélène Brosseau, qui est présentement la candidate sortante du NPD dans Berthier-Masquinongé. On s'entend qu'on avait des attentes négatives par rapport à elle. On s'entend que pendant la campagne électorale, elle n'était pas là. C'est vrai. C'était ordinaire au bout. J'ai dit la même chose que j'ai là. Ben, moi, je m'en souviens. Je faisais pas de... Ouais. Non, mais je m'en souviens que ça en est parlé dans la vie. Ben, c'est ça. Je disais la même affaire. Puis à cette heure, ben, elle a été surprenante, en fait. C'est une des députées qui est des plus appréciées dans son comté. Bon, fait que, c'est dur de juste dire ben, les candidats poteaux, c'est pas bon, point, tu sais. On s'entend. Ça reste que Parti vert au Québec, tu sais, il y avait la vague orange aussi, tu sais, une des raisons qui a fait qu'elle a pu se donner tant que ça, c'est que, tu sais, être finalement une aussi bonne députée, une des affaires qui a aidé, c'est qu'elle était sous le spotlight à cause de ça. Le parti, ils ont investi beaucoup pour la former, entre autres, y apprendre le français au plus vite. elle a déménagé dans le comté, parce qu'elle habitait à Gatineau. C'est qu'elle habitait, non? Je me rappelle pas. Je me rappelle plus trop, mais... C'est pas dans le coin de Hull? Ouais, c'est ça. un truc comme ça, en tout cas, qui restait, en tout cas, proche de l'Ontario, ou mm-hmm. même carrément l'Ontario. Je pense qu'elle étudiait à l'Université d'Ottawa. Un truc de même. Ça faudrait qu'on vérifie, en tout cas. De toute façon, c'est pas très pertinent. Mais ça reste que, bon, moi, c'est ça que j'en retiens du Parti vert, c'est que malheureusement, au Québec, c'est des poteaux, puis ils n'auront pas l'encadrement, mettons, que les candidats dans le même genre du NPD aux élections de 2011 ont eu, qui ont pu finalement, tu sais, puis je parle de Rételen, mais c'est pas le seul exemple. C'était en 2011. Je n'ai jamais entendu parler. C'est sûrement ton prédécesseur, François Landry, qui en a parlé. Il y a des bonnes chances. Moi, je pense que c'est François, en fait. Je me rappelle de moi puis lui qui s'en parle, d'ailleurs. Ouais. Elle vient de Gatineau et elle a étudié au St. Lawrence College à Kingston, en Ontario. Ah. Good. Bon. C'est bien. On était proches. Hein. On était très près. Ouais, je pense qu'elle était barmaid dans le camp. Qu'elle s'est présentée. Ben, elle a fait beaucoup jaser, mettons. Ouais, c'est ça. C'était... Moi, j'ai entendu parler d'ailleurs d'un tatou qu'elle a qui est un peu polémique, mais... Ah, mais... Un ICA? Non, c'est la face de Justin Trudeau. Je vais en rester là. On la salue. Donc, justement, parlant de Rételen, j'étais rendu au NPD. Donc, les gens qui voteraient pour le NPD, ce serait les gens qui se disent « De la gauche homéopathique, c'est mieux que pas de gauche pantoute. Mm-hmm. » Parce qu'on s'entend, le NPD, ça a été longtemps un parti de gauche. C'est encore, on pourrait dire encore un parti de gauche pour des standards du fédéral. Par comparaison, mettons. Mais on s'entend que c'est pas tant un parti de gauche non plus. Mm-hmm. C'est pas exactement le Parti communiste non plus. Puis c'est même plus, ils ont retiré toutes les mentions du socialisme dans leur plateforme. Ah, OK. Contrairement à Bernie Sanders aux États-Unis qui vient dire « Je suis un socialiste ». Ah, c'est beau ça, ouais. Bernie Sanders. Moi, je veux dire, je voudrais me faire naturaliser américain juste pour voter pour lui. C'est vrai. Il est magnifique, là, ouais. Je veux dire, c'est le n'importe c'est ce qui est en train de se passer avec Bernie Sanders, c'est ce que tous les militants de QS ont, je plaide coupable, espère voir se passer au Québec, là. C'est comme hein, quoi un gars de gauche comme ça qui réussit à ramasser toutes les foules, des milliers et milliers de personnes à chaque fois qui se présentent quelque part. C'est en tout cas bref. Donc c'est ça, je disais gauche homéopathique pour le NPD parce que pour reprendre la définition, je sais pas si vous vous rappelez le studio qui passait à Canal Famille. Mm-hmm. Avec Bruno Blanchet puis le gars de sucré salé que le nom me revient pas. Guy Jodoin. Et Stéphane Crête et Guylaine Tremblay. Ouais. Il y avait un sketch en tout cas de Guy Jodoin avec Bruno Blanchet, on s'entend qu'ils sont fous les deux. Ouais. Ils faisaient une fausse émission pour enfants, là. C'était comment que ça s'appelait donc? Le Jeune Château. Tu sais, il y avait une il y avait une espèce d'unitar bleu, là, puis là, il marchait tout croche en disant « Oh boy! » En tout cas, puis, tu sais, il choisit, tu sais, il y avait la boîte à thème, puis à un moment donné, il parlait de l'homéopathie. Puis là, de Guy Jodoin, de dire « Aujourd'hui, on parle d'homéopathie. Mais qu'est-ce que c'est, l'homéopathie? C'est de l'eau qui se rappelle d'avoir été de l'eau à autre chose. » C'est une belle définition de l'homéopathie, tu sais, c'est qu'on prend quelque chose, on le dilue tellement que c'est plus là, dans le fond. Mais ça se rappelle d'avoir été de l'eau à autre chose. Donc, le parti, le NPD, c'était un peu la blague de mauvaise foi que j'en faisais. C'est qu'il se rappelle d'avoir été un parti de gauche à un moment donné. Bon, peut-être un peu c'est de mauvaise coucou foi. Coucou et coucou. Coucou. Coucou et coucou. Ceux qui s'en rappellent, allez chercher ça sur YouTube. C'était magnifique. C'était vraiment j'ai pas celui drôle. Sur l'homéopathie, malheureusement. Mais, ça a été banni, voyons. Je suis certain qu'il l'a. Sérieusement, c'était trash en même temps. Peut-être sur autre chose. Peut-être que le sujet global était autre chose, puis qu'il parlait aussi d'homéopathie dedans. Ça. Mais je pense que me semble que c'était comme vraiment leur thème. Ouais. Mais j'ai le nucléaire, j'ai la parapsychologie. J'ai la parapsychologie. Bref, en tout cas, on recheckera ça, mais je suis sûr que je l'ai vu sur YouTube, ça fait pas longtemps. Donc, les NPD, je disais, je faisais allusion aux militants de QS. Je disais, les autres gens qui pourraient voter pour le NPD, c'est les militants de QS qui sont comme tout mélangés parce que c'est la même couleur. Fait que c'est-tu comme le même parti au fédéral? Fait que c'est ça. Les gens de QS qui sont influencés par les couleurs devraient voter NPD parce que les deux, c'est orange. Il y a aussi, si vous respectez beaucoup le style de ce que j'appelle les Fighting Irish, parce que Thomas Mulcair qui sourit sur les photos puis qui a l'air tout « Oui, les madames, votez pour moi, je suis gentil dans le fond. » C'est pas le vrai Thomas Mulcair. Le vrai Thomas Mulcair, c'est un gars qui apprend ses dossiers par cœur comme un malade parce que c'est un avocat à base, fait que c'est ça qu'ils font, eux autres. Puis qui, après ça, démolit l'argumentaire de ses vis-à-vis. C'est un guerrier de la politique, ce gars-là. Puis moi, je trouve ça plate parce que je le trouvais le fun avant. Puis là, ils l'ont forcé à essayer de sourire ses pancartes. Puis ça a tellement pas l'air naturel. Il est pas de même, Mulcair, puis on l'aime mieux quand il se fâche, puis quand il... En tout cas, il a dit des trucs pas très décorums quand il était au provincial à d'autres députés. Puis c'est pas grave parce que il est combatif, puis c'est le fun. C'est rare de voir vraiment du monde qui... Non, tu sais, la rigueur puis tout ça. Fait que, bref, il y a ça. Puis finalement, les dernières personnes qui pourraient voter pour le NPD, c'est ceux qui ont un père qui milite pour le Bloc québécois puis qui voudraient l'achaler un peu. C'est aussi. Puis il dit qu'il est pas humoriste. Ah, c'est ça. Moi, je trouve qu'il en lance des bonnes à ma tête. Ouais, c'est ça. C'était pas autobiographique du tout. En fait, mon père est pas en train de m'écouter parce qu'il est en train de militer pour le Bloc québécois. Bref. Fais voir la face que Sébastien Gartier a fait. C'est ça. Caméra 3. Hey. Je me trouve bien drôle. Désolé pour les gens qui me connaissent pas personnellement. Mais bref. On apprend à te connaître avec les années. C'est ça. C'est même ça. Si des fois je te confonds avec François Landry. C'est pas grave. Moi, dans mon cas, François Landry, c'était un... Un modèle. Un modèle. Voilà. Bon. Donc, j'étais content que ce soit là en 2012. Parce que s'il avait pas été là, hit tabarouette. On aurait fait dur. Bon. Donc... Finalement, ça m'amène justement à parler du Bloc québécois. Donc, qui devrait voter pour le Bloc québécois, ouais. Hormis mon père? C'est bien des parents. Il y a bien des gens qui se replacent là-dedans, parce qu'il y a bien des parents d'étudiants à l'UQTR qui sont militants du Bloc québécois, j'en suis certain. Ben, même beaucoup d'étudiants à l'UQTR qui sont militants pour le Bloc québécois, là, on sortit du cliché, c'est pas rien qu'un parti de baby-boomers. Ouais. Je veux dire, moi, en fait, la majorité des gens que je connais qui sont fervents bloquistes, c'est du monde de mon âge. Mmh. Donc, qui vote pour le Bloc québécois, hormis les militants du Bloc québécois? Les gens de l'OGE. Excuse-moi, j'ai dit que j'avais le droit de... c'est ça pareil. Ah, vas-y. Ben, je sais pas à quel point. J'en vois passer beaucoup sur Facebook. OK. Ah, tu vois, je connais pas tellement la nouvelle cohorte. Moi, ceux que je connais, c'est... ceux que je sais qui votent vraiment pas pour le Bloc québécois. Moi aussi, c'est ça. C'est pas tout le monde. Mettons. Fait que, bon, bref. Donc, ceux qui ont hâte à la Saint-Jean pendant 6 mois... Non, oui. 6 mois d'avance. Voter Bloc québécois. J'aurais pu dire en fait à peu près la même affaire que pour les libéraux. Si vous avez une petite larme à l'œil pendant la Saint-Jean, vous allez sur les plaines, puis vous êtes comme, vous regardez ça, vous regardez le monde dessous, puis vous vous dites Ah, c'est beau. Je suis fier d'être québécois / québécoise. On s'entend. Pas de parenthèse, parce que ça minimise la femme. Les gens qui se disent moi, l'affaire du niqab, c'était vraiment important pour moi. Parce que le Bloc québécois a été de ceux qui ont été non, on vote à visage découvert. Mm. Puis moi, je dis dans ce cas-là, ben, tu pourrais dire aussi, ah, ben, tu pourrais voter conservateurs, c'est eux autres qui ont tout. Non, conservateurs, c'est eux autres qui se sont arrangés pour que la madame puisse voter à visage découvert. Votez pas pour eux autres. Ah. Parce que ça s'est vu d'ailleurs, on s'entend, c'est des commentaires sur des articles sur les réseaux sociaux. Néanmoins, moi, je me torture, je sais pas encore pourquoi je fais ça d'ailleurs, mais je me torture à aller lire ces trucs-là une fois de temps à autre. Puis il y a vraiment des gens qui ont dit « Moi, j'allais voter pour le NPD, mais à cause de ça, je vais voter pour les conservateurs. » What? Comment tu peux voter? Tu sais, virer d'un bord à l'autre comme ça, ils proposent exactement le contraire sur à peu près toutes les affaires. Tu peux pas juste sur une affaire comme ça, vote pour le Bloc à la place. Le Bloc est beaucoup un meilleur défenseur de tes intérêts que les conservateurs. Parce qu'on s'entend, ces gens-là, s'ils prenaient le temps d'aller commenter sur les articles du Huffington Post sur Facebook, c'est probablement pas le PDG de Bombardier, d'après moi. C'est vrai. Donc, comme j'ai dit d'ailleurs pour les... comme je disais pour les NPD puis QS, les péquistes qui sont influencés par la couleur, hein, c'est bleu, je vais voter pour eux autres. On s'entend, ils proposent pas les mêmes affaires. Moi, présentement, je trouve que le PQ au provincial a renié un peu ses racines socialistes. Je trouve que c'est plus très progressiste ce qu'on nous présente, en tout cas dans les années Marois. Mais je me demande si... Je suis pas sûr que Pelado va bien virer ça à gauche. Tandis que le Bloc québécois, en fait, est beaucoup plus progressiste que le PQ présentement, ce qui est un gros bon point pour lui tant qu'à moi. Pour lui, c'est-à-dire pour le Bloc. Donc c'est ça, fait que les péquistes qui votent par réflexe, c'est sûr qu'évidemment quand que ton plus gros enjeu politique c'est la souveraineté, l'indépendance du Québec, la souveraineté du Québec, je dis les deux mots parce que c'est pas la même chose contrairement à ce que les gens pensent, puis j'en reparlerai une autre fois. Ouais. J'ai pas voulu embarquer là-dedans matin, déjà que j'ai déjà un peu dépassé mon temps. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils vont voter pour le Bloc parce que logiquement c'est le seul parti propose ça activement à Ottawa, même s'il y a d'autres partis qui reconnaissent, là, qui je pense au NPD en fait, qui est pas mal le seul, en tout cas, qui accepte de reconnaître qu'ils ont un référendum là, pour la sécession du Québec pis tout. Donc justement, les autres personnes aussi qui devraient voter pour le Bloc québécois, ben ceux qui voudraient que le Québec soit un peu plus reconnu, pardon, comme une nation distincte, un peuple distinct dans le Canada, parce que présentement on a une petite reconnaissance symbolique de, on a quelques mesures acceptables, mais qu'en fait, si on pense entre autres à la par rapport aux compétences partagées comme l'immigration puis tout ça. Mais c'est qu'en fait, c'est que toutes les autres provinces pourraient demander la même chose, mais c'est juste qu'ils le font pas. Mm. Puis encore, l'affaire, c'est pas de dire non, on veut être différent pour être différent, c'est qu'on a des besoins différents de la majorité anglophone canadienne. Donc, c'est ça. C'est ça pour les gens qui votent pour le Bloc québécois. Et finalement, le bon vieux parti... Non, c'est pas vrai. Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu, ils sont drôles, on les aime bien. Oui. Eux autres, c'est des humoristes pour vrai. Ouais, c'est ouais. Ça. dernière petite question par rapport à ça, mais j'ai pas parlé des jeunes là-dedans. Ouais. Pourquoi? Parce que premièrement, je pense qu'en tant que jeune, il faudrait qu'on soit capable de se reconnaître dans d'autres groupes que juste notre âge. Mm-hmm. C'est vrai. Ce qui est une chose. Puis l'autre chose, c'est que oui, il y a des partis comme le NPD et les libéraux qui mettent, qui proposent, qui parsèment ça et là des choses pour faire plaisir aux jeunes. C'est souvent premièrement par rapport aux jeunes familles. Mm-hmm. C'est souvent très très ordinaire, puis on s'entend, le gros de la plateforme porte pas sur les jeunes, puis c'est pas nécessairement des projets. On s'entend, ils savent que le gros de l'électorat, c'est les 45 ans et plus, puis c'est toutes les plateformes de toutes les parties sont pensées en fonction de tout ça. Donc, tu sais, à la place, on se fait dire, ben, tu sais, des trucs comme, ben, nous autres, on va créer de l'emploi, fait que, ben, les jeunes vont avoir plus de chances de se trouver un emploi parce qu'il va y avoir de la création d'emploi. Des choses comme ça. Mmh. Fait que ça, c'est décevant. Puis c'est pour ça que je dis, en tant que jeune, il n'y a pas aucun parti. On se rappelle, on parlait du débat tantôt pour faire une belle boucle. Quand ils se sont fait poser la question au débat qui avait lieu ici la semaine dernière, la réponse du ce que vous allez faire pour les jeunes, la réponse du candidat libéral, c'est ben, en gros, c'était ben, notre chef, c'est Justin Trudeau, il est jeune, fait qu'on aime les jeunes. Ouais, ben oui. Et là... Et Dominique Therrien de dire « Je suis le candidat le plus jeune! » Wow! Et Robert Aubin de dire par la suite « Toi, ça n'a pas rapport. » Et on s'entend que Justin Trudeau, c'est peut-être le plus jeune des chefs qui se présentent, mais de là dire que c'est un jeune... Ouais, c'est ça, hein? Faisons les bonnes nuances. Ils ont aussi tous dit qu'il y avait une aile jeunesse dans leur parti, tu sais, qu'ils ont tout un petit genre les jeunes libéraux du Québec, les jeunes ci, du ça, du Québec. Ouais, puis moi, je... Ça, c'est toute une autre question, mais moi, je suis pas sûr de la pertinence de ces affaires-là. Moi, je pense qu'au contraire, tu sais, c'est un peu comme avoir, mettons, il y a beaucoup de gens là, qui demandent de plus en plus qu'il y ait plus de femmes en politique, puis sur puis pas juste en politique, dans tous les lieux de prise de décision, puis tout ça. Parce que présentement, c'est dans toutes ces, et de manière écrasante, majoritairement juste des hommes. Je pense que j'avais parlé de la page Facebook et Twitter. Oui. Décidé entre hommes. Je la suis depuis, puis je les vois passer à tous les jours, puis c'est donc rampant tout le temps. C'est tellement drôle, c'est mais génial. C'est vrai. Puis il y a même d'ailleurs, je pense que au Royaume-Uni, il y a une autre page similaire qui s'est faite, puis eux autres vont encore plus loin. Ils prennent la fameuse photo qu'il y a juste des hommes, ben coudon, puis ils photoshopent. Qui reste juste les femmes. Oui, enlève, ah, j'ai juste vu ça aussi. Chaises. C'est parfait. Fait que là, tu vois qu'il y a trois femmes, mettons, sur un ensemble de 50 personnes. Puis il y a l'inverse aussi. Tu sais, décider entre hommes, ça peut être avec des femmes aussi, comme on a vu, genre, l'émission de, je sais pas, c'était Denis Lévesque ou peu importe. Je pense que c'est Mario Dumont, où il parle de la famille, puis il a invité juste quatre femmes, genre, mettons, ou cinq femmes. C'est pas mieux, là. Ouais, la famille, ça peut être, tu sais, invite moitié-moitié. Non? C'est invite des, entre hommes, ouais, c'est ça, invite des gens qui représentent. C'est ça. C'est décidé par un homme que la famille, c'est une histoire de juste la femme. Ouais, c'est ça. C'est pas mieux. Ben, tu sais. Je suis d'accord. Ouais. Les femmes qui étaient assises à Denis Lévesque, qui avaient eu un rôle décisionnel là-dedans? Ah. Pas tellement. Denis non. Lévesque a choisi qui invitait ou les recherches. Mario Dumont, mais décider entre hommes veut dire que Mario Dumont décide ça. T'sais. C'est ouais. Décider entre hommes. Puis, on s'entend des fois, à l'époque de l'ADQ, on s'entend que des fois, ça sonnait un petit peu comme le bon vieux parti sonne présentement, mais sarcastiquement, mais autres, c'était vrai. Là, ouais, c'est ça. Sur certaines affaires. Là. Mm. Puis d'ailleurs, ça, c'est une affaire que tu vois un peu dans la campagne présentement. Je parlais des groupes religieux puis tout, puis les gens qui trouvent que les femmes ont trop de droits. Mm-hmm. Parti conservateur, tu regardes certaines de leurs propositions, comme le fractionnement du revenu. Ça, en gros, c'est que quand tu gagnes trop cher, quand tu gagnes un trop haut salaire pour sauver de l'impôt, tu peux prendre une partie de ton revenu puis sur les impôts, l'allouer à ton conjoint ou ta conjointe. On s'entend, là, les personnes visées de ça, c'est les gens qui font beaucoup d'argent, genre les PDG pis tout, puis qui ont une femme truffée, tu sais. Je m'excuse, mais c'est vraiment ça, tu sais. Fait que même pour les gens qui sont pas là, tu sais, je caricature un peu, mais même pour les gens qui ça pourrait être payant pour eux autres, ben, veux, veux pas, ça encourage à ce que il y en ait un des deux qui travaille pas ou qui travaille là, juste pour la forme, tu sais. Fait que, puis il y a certaines choses comme ça qui me semblent désolantes de voir revenir. D'ailleurs, ça avait été c'était une réponse de Justin Trudeau que j'avais trouvé pas pire quand Harper s'était fait le défenseur des droits de la femme avec l'histoire du NICAB. Puis que je sais plus si c'était Justin Trudeau ou un autre candidat libéral, mais Justin Trudeau qui dit derrière, qui avait répondu à Stephen Harper, dans votre dernier cabinet ministériel, il y avait plus d'hommes qui sont contre l'avortement qu'il y a de femmes voilées. qui ont été assermentés, voilés, tu sais. Regarde. L'air de dire, tu sais, défendre le droit des femmes, tu sais. Regarde. Donc, Ouais. À chaque fin de chronique, tu Ouais, j'espérais la finir un peu plus... Humoristique. faut finir comme on finit d'habitude, hein? on t'apprécie. Sébastien Vigardin. C'est apprécié d'être apprécié. Oui. On te lit dans Zone Campus sur 2 semaines. Yep. T'as un numéro qui est sorti la semaine passée, un prochain la semaine prochaine. Yep. C'est ça. Là, on est dans l'entre-deux. Parce que normalement, c'est la chronique avec podcast. Moins préparé. Mais cette semaine, j'avais mon casque. Voilà. Bien préparé. On aime ça. Donc, zonecampus.ca, sur la page Facebook Zone Campus. Sébastien Vigardin, on peut te contacter par courriel. L'adresse est dans le générique du Zone Campus en page 2. Puis tout ça, il y a toutes plein de façons de te contacter. Puis on te retrouve la semaine prochaine, c'est les mercredis à 8h. Oui, monsieur. Merci. Merci à vous. Merci. Je pense qu'on peut se quitter avec, à la place de se quitter avec une chanson. Oui. Quittons-nous en humour. Humour. Et la raison que je trouvais pas Coucou et Coucou tantôt, c'est parce que c'était pas dans le studio, c'était dans sa suite. N'ajustez pas votre sécheuse. Oui, c'est ça. Donc écoutons l'épisode sur l'homéopathie de Coucou et Coucou, pourquoi pas. Puis. Je pense que c'est une bonne idée. On va voir. En tout cas. Ouais, finalement, on va prendre la pause. Ça marche pas pendant cette histoire. On revient tantôt. Bye. Ça a pas paru. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce mercredi 14 octobre 2015, et Nathalie Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Suite à l'échec du sketch juste avant la pause, reprenons nos esprits et accueillons une personne qui va essayer d'être tout aussi impertinente que nous. Oui. Complètement impertinente. Assez qu'on puisse dire, genre, que c'est ce qui fait tourner le monde d'être impertinent en ce moment. Oh. Oh. C'est Google Globe, tu comprends tourner le monde. Ouais. J'avais compris. Bonjour à toi, ça va bien, notre ami. Ah, qui es-tu? Regarde-moi ça, comment qui est-tu? C'est Frédéric Bernard. Yeah! Yeah! Allô? Salut. Il a pas l'air appelé Fred à matin. Ça le gêne un peu. Ça le gêne. Donc, Frédéric Bernard qui est là pour sa collègue Google Globe. Oui. Tu nous présentes une question posée à Internet, mais plus spécifiquement à Google. Exactement, je pose une question à Google. On voit qu'est-ce qui en sort ensuite. Alors, une question... absurde, si on veut, la plupart du temps, une question où on n'attend pas nécessairement de réponse précise. À date, ça fonctionne bien. À date, ça fonctionne bien. Ben, je crois. Je sais pas. J'ai pas eu de retour. Les gens... les gens sont gênés. T'sais. Ouais, c'est ça. Ils me reconnaissent pas dans la rue, puis pourtant, je leur dis, c'est moi. Ils se promènent avec la pancarte dans le cou. Donc, j'ai fait ce qu'on s'était dit la semaine passée, aller naviguer de façon privée sous... c'est ça. En navigation privée pour exactement, pas que ça retienne ton historique et tes tendances web. Exactement. Puis j'ai lavé un peu, j'ai fait une déconnexion de mon Google, de mon Gmail, puis tout ça, de mon compte Google, pour vraiment voir qu'est-ce qui allait sortir. Finalement, ben, ça changeait un peu les choses. Dans le bon sens? Ouais, ben, je m'attendais à avoir beaucoup plus de contenu anglais. Puis finalement, je me suis retrouvé quand même avec beaucoup de contenu français. Mais j'imagine que c'est parce que je suis au Québec. C'est ça, alors, exactement. J'imagine que c'est surtout à cause de ça. C'est sûr que oui. Puis on rappelle que tu poses tout le temps la question en français aussi. Oui, c'est ouais. Comment veux-tu avoir des résultats en anglais si la phrase est en français? Hey, veux-tu... Frédéric. Ben, les Anglais, ils sont capables de tout, OK? C'est conspiration! Moi, je vis d'espoir puis d'eau fraîche, OK? Ah, c'est quoi la question cette semaine? Ouais. Ben, cette semaine, je mangeais. Ça, est-ce que ça vous arrive des fois de manger? Ben, parfois, oui. Tu vois, c'est ça que je veux dire par pertinence. Donc, je mangeais cette semaine mon dis-moi repas. En plus. Mon repas, comme à l'habitude. Ah, ben, différentes choses. Ah, ouais. En particulier, une chose qu'on a testée, moi et ma blonde, c'est qu'on a acheté une espèce de plaque, mais c'est une plaque de sel de l'Himalaya. Okay. Ah ouais. Ah, oui, okay. C'est une plaque de sel. C'est fait, ah, garde, hein, ma pertinence. De l'Himalaya? Oui. Du sel? Du sel, ah, excuse-moi, j'ai entendu des sels. Okay. Niaiseux. Ah! Donc! ça laissait un froid, ça. Putain, c'est pour t'en mettre dans la face ta joke de sel. Merci. Fait que la plaque de sel qu'on a achetée, alors c'est une plaque qu'on peut mettre au four, qu'on peut préparer, qu'on peut chauffer, puis directement cuire des aliments dessus. C'est une plaque qui reste super chaude et on va cuire des viandes dessus qui vont saler naturellement puis faire une croûte de sel naturelle dessus. C'est vraiment cool. Oui, puis c'est pas un sel qui est agressant. C'est pas comme si on avait mis 2 tonnes de sel, contrairement à ce qu'on pourrait y croire. C'est vraiment une croûte qui se forme, puis c'est assez subtil comme sel, puis c'est un goût assez particulier. C'est un peu comme quand tu te laves pas, t'as une croûte, ces aisselles. Exactement. C'est pareil. C'est dégueulasse, ça goûte pareil. Fait qu'en mangeant tout ça, quelle est la question qui t'est venue? Ouais, j'ai pas fini mon histoire. Ah, excuse. Donc voilà, j'ai fini mon histoire. Alors, donc, je goûtais ça et je me suis dit, une fois goûté ce mets un peu délicat et spécial, je me suis demandé, mais y a-t-il quelque chose de mieux qui existe que ce goût-là y a-t-il? Est-ce que j'ai trouvé le summum du goût? Alors, j'ai demandé à Google, mais quelle est la meilleure saveur au monde? À savoir, quelle est la saveur qui bat tout? Alors, y a-t-il une saveur que, justement, c'est la saveur qui bat tout? Crème sur oignon. C'est ma réponse à moi. Ah, ben c'est une bonne réponse. Je sais bien. Crème sur oignon, ouais, je suis assez d'accord. C'est assez bon. Sauf Pringle, ça me tombe sur le cœur. Ah, mais Pringle, ça goûte jamais ce que c'est supposé goûter. Ouais, c'est bon pareil. C'est ça. Tu sais, la pizza, mettons. Ça goûte-tu vraiment la vraie pizza? Hein? Ça, je trouve que oui. Mais bon. Donc, dans les pages 1 à 5, alors, quand j'ai posé la question, quelle est la meilleure saveur au monde? Ben évidemment, je suis tombé dans les 3 premières pages, c'était des pages de recettes. Ricardo, j'imagine. Oui, ben il y en avait plusieurs de Ricardo. Il y avait des recettes. Bon, celle que j'ai retenue, c'est Saveur du monde. Fait que c'est des recettes qui font des clashs de saveurs entre elles. Fait que, ils goûtent le monde, ils lichent, mettons, Tania Baudin. Exactement, ils goûtent le monde directement. Fait que... Je suis la meilleure saveur au monde. Oh, ça! Je sais que cette chronique, elle va aller bien. Elle va avoir... On l'avait prédit, en plus. Quelques petits détours. Ouais, on a dit que ça allait être de mauvais goût. Je pense que c'est vrai. Donc, ce site-là de Saveur du monde, justement, propose différentes recettes. Alors, à essayer. Donc, vous pourrez aller voir. Ensuite, un autre site de recettes. On tombe sur... Nord. Ceux qui font les petits mélanges, la soupe en poudre, puis les affaires de main. Exactement. Moi, j'utilise beaucoup leur bouillon de poulet, de bœuf. Faisaient des bons potages au brocoli, eux, dans le temps. Ah, miam, hein? Oui. Je devais en acheter. Ils en font plus. Non, ils ont arrêté le potage au brocoli, si je me souviens bien. Ah ben. On sait-tu pourquoi? C'est pas. Je fais une recherche sur Google. Oui, pourquoi avons-nous... pourquoi n'avons-nous plus de potage au brocoli? Donc, sur le site de Nord, ce n'est pas tant les articles ou tant les recettes qu'ils proposaient qui m'intéressaient, qui m'a gardé. C'est vraiment que ce que Google m'a proposé, c'est sur le site de Nord une vidéo d'une femme d'Angleterre qui s'en va en Antarctique. Ah! et qui... Je suis sur le même que toi, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle se retrouve en Antarctique, là-bas, isolée de sa famille et tout. Et Nord, ben, font comme pas mal plein d'autres compagnies qui est la mode en ce moment. Ils réunissent des familles puis ils disent que ça, c'est grâce aux saveurs de Knorr. Au pouvoir de Knorr. C'est ça, ouais. qui lui permet de manger, de regoûter les saveurs de chez eux. Ah, bon, oh, d'accord. Quand même. Puis il y a une petite vidéo sur le site, ouais, où là, ils font le suivi avec la madame, puis en tout cas, c'est bien touchant. Touchant! Oui, parce qu'elle retrouve sa mère. En fait, ils prennent sa mère. Hey, spoiler! Je l'ai pas dit. Mais c'est terrible ça, pendant deux minutes et demie. La soupe était faite avec sa mère. Ah, ils ont fait bouillir. C'est ça, exactement. Puis elle retrouve les saveurs de chez elle. Ah, c'est exactement. Ça goûte comme ma mère. Ensuite, ce que je vois comme nier, c'est le Journal de Montréal. Alors, le Journal de Montréal une qui est partout. Une source fiable. Oui, une source fiable. mais le Journal de Montréal là, qui nous fait, de 2015, les bières de chez nous qui ont été sacrées les meilleures bières au monde. OK. Mm-hmm. Mais c'est avec les bières de chez nous. C'est bien ça. Donc, c'est les bières de chez nous qui ont gagné les meilleures bières au monde, mais pas toutes les meilleures bières au monde qui sont là. Juste celles de chez nous. C'est tu me suis? Oui, je te suis, ouais. C'est écrit par Mélodie Lamoureux. Je suis sûr que c'est pas un vrai nom, on dirait un personnage de roman, ça. Mélodie Lamoureux. C'est trop. Oui, c'est cute. C'est vraiment écrit par Mélodie Lamoureux. Je te jure. Ok. Je te jure. Je cherchais. Moi, je suis rendu comme... chercher des gags partout. T'as pas lu tous les articles. T'as pas lu tous les articles. Je lis pas les noms en dessous, je me rends pas jusqu'à là. Moi, je lis en diagonale tout le temps. Ben, dans cet article-là, ce qu'on peut retrouver, c'est la Brown Ale de Pit Caribou. Oui. Mm-hmm. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Pit Caribou. Non. Je suis allé cet été. C'était fun. Ouais, c'était bien. C'était bien. C'est une micro-brasserie, là. C'est où? C'est en Gaspésie. Ah. J'ai peur de me tromper exactement à savoir c'est où. C'est juste Gaspésie dans l'article. Je peux pas t'aider plus. Je me semble percé, mais... M'allait dire ça, moi! Mais ouais, fais une recherche, mais il me semble percer que j'ai en tête que ça serait. Mais fais une recherche pour être certain. T'entraîne. L'autre, c'est la fin du monde de Unibrew. Hi, ça c'est intense, hein? Ouais. Ça, c'est de la foncée pas mal, ça, il me semble. Ah, la fin du monde est assez forte. C'est pas une des plus fortes que j'ai goûtées, mais faut dire qu'ils ont fait dans deux bières très fortes, parce que la suivante, c'était les 4 surfeurs de l'Apocalypse du Trou du Diable, okay. Qui est une bière très alcoolisée, qui est... Au niveau du pourcentage d'alcool, je pourrais pas dire s'il est très élevé, mais qu'il goûte assez fort l'alcool. Mmh. Parce que je pense qu'ils mettent un alcool fort, justement, qu'ils mélangent dedans. Mmh. Si je me souviens bien de la méthode de brassage, donc ça goûte l'alcool. J'ai l'impression de pouvoir cracher sur une flamme et que ça va faire un... un dragon. Ouais, dessus. Puis ça porte bien son nom. Hey, j'ai trouvé le pit caribou. Oui. C'est à Anse à Beaufils. Ouais. Pas proche de percer, ça. Fred se souvient juste plus de son voyage. C'était cet été, c'est loin, là. Il t'avait bu, faut le dire. Oui, c'est ça. Et j'avais bu. Ah ouais, lance en Beaufils. Eh ben. Ah bon. Ouais. Eh ben. Donc, l'autre, c'était la saison du tracteur du Trou du Diable. Ça, je trouve ça étonnant parce que ça fait longtemps que la saison du tracteur existe. Il y en a une à percer. Ouais. Mais c'est ah bon, regarde, voilà, voilà, j'ai bonne mémoire. Mais pour en revenir au Trou du Diable, c'est sûr que là, ça, oui. c'est par le Journal de Montréal, peut-être qu'ils ont découvert Shawinigan sur le tard, ça. Ouais, c'est ça. Ça se peut. Mais c'est le World... Festival Beer. D'accord. Ouais, c'est ça. Ils peuvent être en retard, eux autres aussi. Ouais, c'est... qui ont pris ça, puis justement, ben... C'est ça, l'article date de 2015, c'est de cette année, puis la fin du monde, et, la saison du tracteur, c'est deux bières, ça fait un méchant bout. Mais c'est des classiques. C'est ça, je me dis qu'ils doivent avoir, sans doute qu'ils ont présenté leur bière, puis que cette année-là, ben ils ont dû passer, probablement qu'ils ont passé les autres années, ils la saison du tracteur, même, c'est pas la première fois. Ils peuvent peut-être présenter les mêmes bières à chaque année à ce festival-là, les... Mettons, Unibrew, ils peuvent choisir de présenter leur bière à chaque fois s'ils veulent, j'imagine. Puis la dernière que j'ai trouvée, c'était la rouge Mekinac, que j'ai pas goûté. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Mais c'est à l'affût de Saint-Tite. Oui, exactement. On pourrait y aller. Cool. Ben ouais, c'est pas très loin. Bon, on va les commander, puis on les goûtera en nom. C'est bon. OK. On ferait ça dans la chronique précédemment. C'est ça. Non, c'était en tout cas. Ferait ça dans une chronique. Même t'as pas dans les chroniques. Après ça, on a le journal La Presse. Parce que après le Journal de Montréal, il faut bien le Journal de la Presse à quelque part. On monte une petite coche. Ouais, mais moi j'aime ça l'égalité, puis justement être l'impartialité. Là. C'est mon travail de journaliste qui veut ça. Ah. donc la presse qui propose, elle, les meilleures brasseries au monde. Fait que c'est pas puis c'est beaucoup des brasseries, beaucoup de brasseries qui de Vancouver, de l'Alberta qui nous parlent des brasseries qui ont une tendance un peu irlandaise dans leur style, dans leur ambiance, dans leur style de bière. Mm-hmm. Donc c'est vraiment des brasseries d'un peu partout là, c'est pas juste au Québec. C'est plutôt intéressant à aller, il y en a beaucoup. Fait que, tu vois que la fille qui a écrit cet article là, elle connaît l'alcool parce que son nom de famille c'est Schlager. Ouais, voilà. Elle s'appelle Catherine Schlager, comme la Golden Schlager. Fait qu'elle connaît ça. Pareil. Faudrait que je lise les noms à un moment donné des articles. Non, c'est moi qui rajoute du flafla dans ta chronique. T'sais. C'est bon. Mais c'est ça, c'est plutôt... j'ai pas noté d'autres choses. OK. Ensuite, ben, on reste dans le thème des meilleures choses au monde, puis on est encore dans les pages 1 à 5. Donc ça va vite. Bon, oui. On est dans les meilleurs e-liquides au monde. Des e-liquides comme dans du liquide électronique. Là. Exactement, pour les cigarettes électroniques. Fait qu'on se retrouve dans les e-liquides. Mais faut savoir qu'il y a des liquides un peu spéciaux maintenant qui ressortent. Pour les cigarettes électroniques. Hein. Ouais, j'ai un ami qui travaille là-dedans dans les cigarettes électroniques. Je m'en vais le voir l'autre jour. Je vais le voir juste une fois de temps en temps. Puis il me proposait de goûter une saveur. Ils ont sorti des saveurs d'Halloween. Ah. Pour les cigarettes électroniques. Genre citrouille. Ouais, ben exactement, mais c'était citrouille épicée. Ah, puis, c'est comme un thé latte. Ouais, une bière au beurre, là, c'est Harry Potter. Ouais. Ouais, je sais pas, c'était tout. Ben, tu sais, c'était pas évident, là. Ils ont mis des petits dessins pis tout dessus, ou c'est pas facile à retenir. De toute façon, je dis que ce serait cool, mais en même temps, je vais jamais prendre de cigarettes électroniques. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est ça. Never ever. Ben, moi non plus, j'en consomme pas. J'ai quand même goûté celui à Citroën pour voir si c'était épicé. Puis bon, t'es un peu déçu. Mais je trouve pas que ça goûte tant que ça. Non, sauf fruits, il t'as juste à sentir puis ça goûte là. Ouais. c'est assez incroyable. Ils ont sorti aussi guimauve brûlée. Oh, pas compris. Des s'mores ouais. Chocolat biscuit gramme guimauve. Mais c'est ça, fait que dans le fond il y a un top des 5 meilleurs e-liquides, mais là c'est une grosse mode en ce moment, fait que les meilleures cigarettes électroniques aussi qui existent. Mm-hmm. Fait que parce qu'il y a différents types de cigarettes électroniques, c'est un peu spécial. Un gros marché qui fait ben du cash. Ouais, c'est ça, c'est en effervescence, faut croire. C'est populaire. Tant mieux pour eux. Ben oui. Ensuite, bon, ben, je vous ai proposé les meilleures bières au monde, les meilleures brasseries au monde, ensuite des e-liquides aussi pour digérer tout ça. Ben après ça, qu'est-ce que je pourrais vous proposer de plus? Encore d'autres bières. Oui, ben 285 meilleures bières au monde. Ben, 285, t'en as même passé pour une année. Bon, ouais, c'est ça. Fait que je les ai toutes lues. Fait que je vous ai fait la liste. Fait les paroles alphabétiques maintenant. Non, mais je trouvais ça quand même assez absurde de trouver un blog qui répertorie les 285 meilleures bières au monde. Avec toutes les caractéristiques comme désaltérante et croustillante. Une bière croustillante. Oui, oui, oui. Ben oui. Mais je pense que dans le Disney de Kong, ils font les dégustations de bière, si je me trompe pas. Pas cette année, mais oui. Pas cette année, ils l'ont déjà fait. Ouais, okay. Ça, ouais. Mais peut-être qu'il pourrait nous dire c'est quoi une bière croustillante. Ouais. Si tu la mets dans des Pringles ou tu mets des Pringles dans ta bière. Ou... Exactement. Sans doute, ça. C'est croustillant. Ça croustille. Parlant une seconde, après ça, c'est de ses mou. Ouais, c'est ça. Après, c'est comme plus comme. Ben, parlant de croustillant, okay. Je vous propose les meilleurs chips au monde. On est dans un top meilleur, ok? On est 11, ouais, 1 à ça. 5. Là, fait c'est que cool. On les passe tous au complet, puis après ça, on change. Wow! Fait que là, on est dans les meilleurs chips au monde. Fait que. Ah, mais... qu'on les fasse tous, ceux-là, on va prendre la demi-heure pour ça. Ça a l'air bon. Ben, tu peux cliquer dessus. Si je me rappelle bien, c'est pas tant les meilleurs chips. C'est les plus originales. C'est les plus spéciales. Oui. Ah, il okay. Y en a beaucoup de Lay's. Oui, justement, ouais, les Lay's, ail et bébé crabe. Pas du crabe adulte. Du bébé crabe. Ils ont tué les bébés crabes. C'est bizarre. Hein? Et toi, à la mayonnaise. Je veux tellement goûter à des chips à mayonnaise. Ouais, ben ça, ça a l'air pas si pire, mayonnaise. Moi aussi, je serais curieux de goûter. Qu'est-ce que j'ai vu que je trouvais comme... Ils sont vraiment impressionnés par les Canadiens parce qu'ils disent les chips à l'aneth, cornichons à l'aneth, c'est comme nous autres, c'est super normal. Ketchup, évidemment, pour ailleurs dans le monde, c'est super original, mais nous, on est habitués de manger des chips. Ouais, assaisonnés. Mm-hmm. C'est rendu que les chips assaisonnés de Ruffles sont sortis aux États-Unis puis ils disent genre saveur canadienne par excellence avec une grosse feuille du Canada. Les assaisonnés? Parce que c'est nouveau pour eux autres. Nous autres, on a toujours eu ketchup assaisonné. Ouais. Et mais t'as-tu vu le numéro 4? À l'écureuil. À l'écureuil. Cajun. À l'écureuil cajun. Ouais. Ah, mais ça, c'est des legs encore votés saveur du pays, là, genre, c'est au Royaume-Uni. Mais c'est marqué Walker, c'est la même chose que legs, exact. Oui, mais... saumon teriyaki, concombre, je goûterais à ça facilement, c'est ouais, ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Au bleuet et gaufre, ça doit être encore une saveur choisissée de votre pays. T'as ça. Chocolat épicé bacon. Ouais. Encore. Mais ça, je me demande si ça existe comme à temps plein ou si c'est juste une saveur temporaire, ces affaires-là. Ouais, ben c'est sûr qu'il doit en avoir plusieurs, Lays. On en sort, nous aussi. Ce serait facile d'aller chercher nous-mêmes. Tu sais, on en avait à l'Orignal. Orignal et sirop d'érable. Mais c'était pas à l'Orignal, mais c'est marqué Orignal quelque chose. Fait que là, peut-être que c'est marqué à l'écureuil. Ça veut probablement pas dire que c'est à saveur d'écureuil. Ouais, c'est non. Un plat qui s'appelle le Cajun Squirrel là-bas. Mm. Parce que ça donne que c'est en hommage à un écureuil, mais ça goûte pas, c'est pas à saveur d'être écureuil. Ben, tu sais, on sait jamais, hein, dans d'autres pays, ils peuvent faire cuire de l'écureuil sur une petite broche. Ça se peut que ce soit normal. Parce que il y a les chip chats. Aussi, que c'est des chips qui sont à saveur de margarita. Accueil! Ah. Ouais, puis moi, c'est le dernier, c'est les bretons que je trouve assez spécial comme idée. Des chips aux huîtres. Oh. Aux huîtres puis au caramel, puis je l'ai revu ça un peu plus tard, puis la personne proposait de mélanger les deux, des chips aux huîtres et caramel. Là, je suis moins certain. Ouais, là, non. C'est comme... ma blonde m'a dit qu'elle allait l'essayer, mais avec une vraie huître puis du vrai caramel, puis je lui ai dit, si t'es malade, tu ramasses. Ouais. Mais Frédéric Bernard, moi, je te mets au défi. En fait, je mets pas perso au défi parce qu'il y a personne qui va vouloir faire ça, mais moi, j'achèterais sur eBay, OK, des Bretts, les bretons, les chips bretonnes aux huîtres, OK? Aux huîtres. Et je les servirais lors du dernier match spécial de la huître à la finale de la saison. T'achètes une caisse de sacs de chips aux huîtres puis tu fais tirer ça dans le public. Je te jure, ça poignerait au bout. Je vais demander si on a un budget pour ça. On va pas avoir 20$ dans le cruche depuis le début de la saison. Ouais. Je vais. En fait, je pense que ça va être mon momentum quand je vais demander de l'argent pour mon leitmotiv. Faut quand je vais demander de l'argent aux gens dans le public, je vais leur dire si vous voulez des chips aux huîtres, faut donner pour la huître. Ah, puis là, en plus, tu mets le logo de la huître par-dessus le logo de Bretts. Oui, c'est ça. Ah, c'est une idée de génie que j'ai là. Ça va être pour une fondation qu'on va se créer, les chips aux huîtres. Oui, c'est ça. Aidez-nous à nous acheter des nouveaux chandails l'année prochaine. Oui, c'est ça. Donc, ce sera pas long, faut que je retourne sur mon... Ah, voilà, OK. Bon, ben là, j'ai parlé de toutes les meilleures, puis on finit de 1 à 5 avec un Français qui cherche du café. Bon. Ah, bon. Nous autres aussi, ouais. On cherche du café, on le trouve à 9h30. Ben oui, c'est ça, parce que je trouvais ça drôle. Moi, j'ai beaucoup d'articles sur le café, justement, puis vous parliez du beurre d'arachide au café. Mm-hmm. Moi, c'est beaucoup d'articles sur, on recherche le meilleur café. Lui, c'est dans le fond, il a goûté un café. Souvent, les meilleurs cafés sont dans le sud, hein, c'est ouais. En Éthiopie, dans ces endroits-là, les régions plus l'Amazone. Lui, c'est la même chose, c'est son histoire du meilleur café puis de comment déguster un café. Si ça vous tente de savoir comment déguster un café, lisez son article. C'est ça, parce que tu trouveras jamais le meilleur café au monde. Tu vas tout le temps avoir un café qui est meilleur qu'un autre. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te rendre au meilleur café. C'est comme les tops de n'importe quoi. C'est le top selon la personne qui a goûté à quelque chose. T'as pas goûté à toutes les saveurs de chips du monde. Ça, puis ça change pour chaque personne. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Alors, forcément, si toi t'en goûtes un, ça veut pas nécessairement dire que moi je vais l'aimer au même point que toi tu l'as. Mais les gens trippent sur Tim Hortons, puis c'est pas du bon café. Ouais. Mais je suis le seul qui... Moi, quand je bois un café, soit je trouve qu'il goûte l'eau, donc je considère que c'est pas un bon café, soit je trouve qu'il goûte le café, je considère que c'est un bon café. Je peux pas dire, il y a une variante au niveau de l'amertume, tout comme je pourrais faire avec une bière. Oh non, c'est pas aussi fancy que ça, mais tu sais, puis je veux vraiment pas dire que je suis un expert en café, absolument pas, mais j'ai essayé de savoir, j'étais membre d'un club de café à un moment donné, puis j'ai essayé des cafés de partout en Europe, puis partout en Asie, puis partout, chaque continent avait son café, puis j'ai remarqué vraiment la différence. Je pourrais pas dire s'il y en a un qui est plus amer que l'autre, puis l'autre est plus sucré. Je pourrais dire que lui, je le trouve meilleur que l'autre, puis j'en veux d'autres de celui-là. Ouais. Parce que mais y a c'est une sûr différence. Que tu peux dire qu'avec un espresso, ça va être beaucoup plus amer. C'est sûr, oui, tout à fait. L'amertume va changer à ce côté-là. Mais quand tu changes, genre, j'ai goûté un café de Dunkin' Donuts puis un café de McDonald's, puis ils sont tous pareils, c'est sûr. Ouais. Mettons. Ben, quoique McDo gagne des points. Ouais, c'est celui de McDo, il n'est pas spé. Quand beaucoup qui considèrent que celui de McDo n'est pas spé. C'est dans les fast-foods, je dirais que c'est. Mon préféré dans les fast-foods serait le IW, l'ancienne recette. Je sais pas si tu penses qu'ils l'ont changé récemment. Non, ah, j'ai jamais commandé de café chez IW. Ah, il est vraiment bon. Le Allen & Wright dans les fast-food est vraiment bon. Non, mais c'est vrai. Vous parlez à quelqu'un qui aime ça d'essayer des cafés différents. Mais es-tu du genre à dire pas de lait, pas de sucre dans ton café? Moi, c'est noir ouais, tout le temps. Non. Ah, okay. Toi aussi? Bon, ok, c'est correct, j'ai compris. On connaît ça un petit peu plus que toi, mais on n'est pas des experts. C'est ça. C'est parce qu'on mélange pas plein d'affaires dedans. Moi, je suis bon dans les sortes de frites. Là. Ben, la dernière fois, j'ai juste mis des moules puis des caramels dans mon café. Là, pis c'était bien correct. C'est juste simple de même. C'est quoi tes frites préférées? Ouais, moi je suis beaucoup frites. Mais j'ai jamais rencontré de personne qui tripait autant en frites que moi. Frites, alors j'ai été un peu déçu. Nous aussi. Un peu, tu sors de là, tu sens le tout frites. Ah, ouais. Ça coûte genre. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de, je sais pas, spécial, là. Puis j'ai été déçu. Moi, je dirais mes frites. C'est un peu. Mais tu sais, ça, c'est la patate douce de IW aussi, là. Oui, ouais. C'est vrai. Très bon. Mais ils devraient les faire un petit peu plus croustillants. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Tu devrais pouvoir le demander. Je l'ai dit l'autre fois, j'ai chialé à la caisse, puis j'ai demandé à ce qu'on les replace. En tout cas, j'ai fait. J'ai gâché là. Non. J'y retourne. En tout cas. On arrête là. OK, et on t'invite officiellement à une future chronique, une grosse pointe à l'adresse. On parlera de fast-food ensemble. Okay? Ouais. On mangera-tu des frites? Peut-être. C'est difficile de Je vais en apporter. Je vais en apporter. OK, parfait. Allez, comme à 10h le matin, on regarde ça sur la liste de choses à faire absolument d'ici la fin de la session. Hein. Okay. Ah, mais j'ai des. Attends, juste une parenthèse. OK, mais rapide. Oui, rapide. J'ai goûté des frites qui étaient sur. Voyons. C'est pas rapide à date, je dirais. Celui pour l'ouverture là, à l'UQTR, le spectacle, là, il y avait un petit stand. Je me rappelle plus de son nom. Ah oui, Bob Traiteur. Oui, c'est ça. Oui. Eux sont bonnes. Okay, eux sont cool. Oui, dans leur poutine. OK. Oh my God. OK. On en reparle. Donc, 5 à 10. On pose la question à Google. Quelle est la meilleure saveur au monde? On cherche toujours. C'est ça. Donc, 5 à 10, j'ai sorti l'histoire d'un confiturier assez spécial. Alors, lui, il fait des confitures. C'est spécialisé dans les confitures. Okay. Mais ça donne le goût. Très honnêtement, souvent, je fais des jokes quand je trouve des trucs un peu spécial. Lui, vraiment, c'est un cuisinier qui s'est spécialisé juste dans les confitures. Puis ça donne vraiment le goût, c'est vraiment spécial les confitures qu'il fait. C'est bon les confitures. Oui, puis dernièrement, il a décidé de faire de la moutarde. Ah, ben, elle varie un peu, hein. Ouais, mais la moutarde, ça donne pas plus le goût, c'est vraiment les confitures. T'aimes pas la moutarde, hein? Ben oui, mais tu sais, je veux dire, quand tu me dis que tu fais de la moutarde, on tiendra pas une conversation de 2 heures là-dessus. Non, là. C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses. Moi, je pourrais faire des conversations de 2 heures sur n'importe quel sujet avec un. Donc, j'ai trouvé aussi un autre site qui propose l'exportation de fruits exotiques. Je trouvais ça drôle. Ouais. Ensuite, l'histoire de café, le Black Ivory, mais c'est pas exactement ça son nom. À base de savon. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais dans le fond, c'est un café qui est fait par des... sans doute qu'on a tout entendu parler de ce fameux café-là qui est digéré, prédigéré avant de goûter. Tu as-tu goûté à lui? Non, j'ai pas goûté, mais par des éléphants. En fait, au début, c'était pas des éléphants. OK. Au début, c'était... Va falloir que je retrouve le nom, justement, de l'animal. Mais au début, c'est en Éthiopie. C'est un animal, la civette. Je pense que c'est ça. OK. Ça ressemble à un petit raton laveur. Pour... je vais vous confirmer tout ça tout de suite. Mais c'est probablement l'idée la plus, genre... Qui a eu cette idée-là du monde? T'sais? Ben, l'idée est pas une tant niaiseuse. Quand on sait que, dans notre corps, il y a une fermentation qui se fait naturelle grâce aux bactéries, tout ça. Puis que le café, quand on cherche à le torréfier, on cherche une forme... De fermentation, si on veut. Je parle un peu dans le beurre parce que je suis pas trop sûr de comment ça fonctionne. Fait que je me dis, bah, pourquoi pas. Donc, c'est la civette qui consommait ces grains de café-là. Mais il y a eu un gros problème d'épidémie dans ce coin-là. Donc, ils ont éliminé cet animal-là qui ne pouvait plus consommer de café. Fait que c'est après ça que les éléphants sont arrivés. Qu'on s'est mis à faire consommer aux éléphants ce doux nectar de café qui est digéré puis qu'on récupère dans leur sel au final. Voulez-vous savoir comment ça goûte? Hein? Oui. Je cite, le café était plein de faveur, pas du tout amer. Faveur, j'ai bien dit faveur. Oui. C'est fruité, a dit un Finlandais. Fruité. Fruité. Connaissez-vous le bœuf de Cobb? Le bœuf de Cobb, non. On est toujours dans les trucs un peu spéciaux ailleurs. Le bœuf de Cobb, c'est un bœuf au Japon qui est élevé de façon sauvage par la ferme Cobb et qui est considéré comme une des meilleures viandes qu'on peut retrouver sur le marché. Là. Ah. Une des viandes les plus gastronomiques avec un persillage très élevé. Le persillage qui est les côtés nervurés un peu de votre viande que vous voyez, le côté blanc là, qui est au travers de votre blanc qui fait qui est tendre ou pas. Donc c'est une viande qui a créé multiples légendes tellement la viande est savoureuse. Entre autres, il y avait une légende qui disait que les propriétaires de cette ferme-là frottaient leur vache avec du saké. Ah! OK. D'accord. Trouvais mais Kobe, un peu comme Kobe Bryant, mais lui, il essayait pas de le manger parce que... Non, il est grand. Ouais. Puis, il doit faire... en tout cas, ça doit être dur à mastiquer. Ça... Possiblement. Assume, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais. Ensuite, je vous ai mis un lien pour les variétés de poutine dans le monde. Ailleurs dans le monde, quelle poutine qu'ils font? Parce que c'est de plus en plus populaire comme mets. On sait que maintenant, au Vietnam, ils en font beaucoup. Il faut beaucoup de la poutine au Vietnam. Oui, dans le coin du Vietnam. Je dirais pas. Au Vietnam. Au Vietnam, j'en ai vu beaucoup des restaurants qui faisaient de la poutine là-bas avec des sauces un peu plus vietnamiennes. En fait, ils changent leur sauce pour mettre un fromage de chez eux frites avec une sauce du Vietnam. Miam. Fait que. Mais il y a plusieurs saveurs. Ce que je trouvais drôle, c'est qu'ils disaient que juste d'aller au Canada anglais, ils ont leur propre poutine, mais les poutines sont assez différente. Fromage râpé, on s'entend pour dire que c'est pas la poutine. C'est ça. Ouais. C'est un fromage râpé. Généralement, la sauce, c'est pas exactement la même. Dans certains pays, la poutine est un mets qui est considéré fancy. Ouais. Dans certains pays, entre autres, je pense en Chine, c'est servi dans des verrines. Ah. C'est bizarre. Hein? Il y a des photos dessus le site, vous irez voir. Mm-hmm. 20 à 30. Le Figaro, qui présentait que Nestlé a une nouvelle manière de cuisiner, a décidé de faire de cuisiner, mais en altitude. Ah. Et que le fait de cuisiner en altitude, ça conservait naturellement les aliments. Alors, pas besoin de sel, pas besoin de sucre, on conserve les aliments juste en cuisinant en altitude. Je trouvais ça cool. Intéressant. Puis, il proposait aux gens de faire l'expérimentation. Maintenant, bonne chance pour trouver la place. On parle pas juste de ceux qui vivent au troisième étage d'un bloc à part. Non, c'est ça. Puis, on parle pas de monter une montagne du Québec pour... Non, eux, sont vraiment dans les Alpes, en haut, complètement. Fait que, trouvez-vous une Alpe. Êtes-vous fan de chocolat chaud? Ouais, quand même. J'aime mieux le café, mais ouais, j'aime bien. Non, j'aime beaucoup le café, mais dans les temps froids que ça en vient, moi, il y a rien qui bat le soir, alors qu'il fait super froid, une couverture, un bon chocolat chaud, en écoutant une série télé ou en écoutant quelque chose. C'est réconfortant. En jaser avec ma grand-mère. Faudrait que je jase avec ma grand-mère. Le chocolat chaud. Je pensais que tu te colles sur quelqu'un, là. J'étais comme. Il va nous lâcher que sa blonde est là. Non, il lâche la grand-mère. Sa blonde, c'est sa grand-mère. Ça va qu'explose. Oh mon dieu. Il est son propre petit arrière-fils. Ah, retour vers le futur. Mélange. Ok, je quitte. Le chocolat chaud servi dans des tasses oranges serait supposément meilleur. C'est des tests qui ont été faits. Ah, oh, bah, ok. Ooh, ouais. Okay. C'est du gris-gris pas mal, ça. L'intérieur doit être orange ou. Non, c'est la tasse qui doit être orange. Là, ben, en tout cas, dans la photo, l'intérieur n'était pas orange. Okay. Je faisais vraiment l'extérieur. Ce qui paraît, c'est meilleur pour le goût. Ah bon? Eh ben. Peut-être que tu te sens plus en automne? Je sais pas, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui nous influencent visuellement. Beaucoup de trucs en communication aussi pour influencer la personne indirectement, que ce soit par des gestes ou par sa façon de se comporter. Mm-hmm. Juste le fait, beaucoup de politiciens qui vont mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, ben ça, au niveau de la personne, ça y met comme un poids sur la personne que tu veux. Fait que j'imagine qu'il doit avoir le même effet, que c'est juste parce que tu vois le orange, ça te met dans un mood ou ça gère quelque chose au niveau de ton cerveau qui fait sûrement que ton chocolat est meilleur. En tout cas, je sais ça, on ne sait peut-être pas, mais la couleur orange, c'est peut-être aphrodisiaque. Mais l'orange, en même temps, ça ben, donc Donald Trump veut gagner parce qu'il a la face orange. C'est ça. Oui. Ou le candidat conservateur à trois ans. Non, mais on boira pas de chocolat chaud dans Donald Trump. C'est ça. Mais sinon, j'ai un site pour les macarons. Alors, les différentes sortes de macarons. Les macarons? Collectionner des macarons? Mais je suis pas si fan que ça de... Non, le pâtisserie. OK. Mais je peux me l'attacher un pareil sur la poitrine? Oui. Mais dans une couple de jours, ça va sentir bizarre. Ça ferait de quoi manger et puis voir qu'il durerait jusqu'à dans quelques jours. j'ai l'impression de pas être le seul qui est pas si fan que ça de macarons. Pourtant, c'est j'aime bon. Les pâtes d'amande. Mais non, mais je suis d'accord bon, avec toi. Je suis pas... Je suis pas une grande fervente des macarons. Qu'est-ce que vous aimez plus? Les cupcakes? Ouais. Non plus. Non plus? J'aime pas grand-chose, en fait. Ben voilà. T'as pas la dent sucrée. Mais les chips aux huîtres, par contre, ça, je suis sûr que je vais aimer ça. C'est pas sucré. T'as pas la dent sucrée. Non, mais en fait, oui, j'aime beaucoup les gâteaux au fromage. Ah, bon, gâteaux au fromage. Ouais. C'est pas tout à fait sucré. Bon, là. Sur ce. En tout cas. Mais sinon, les gâteaux des rois aussi. En tout cas, je suis très... j'aime ça, la pâte d'amande, mais les macarons, ça peut-être pas plus dans la bouche que ça. Là. Bon. On se battra pas pour ça. Bon, ben on a fait les meilleurs. Fait que, je vais me dépêcher parce que je viens de voir qu'il y en a un que je veux absolument parler. OK. Puis ça va prendre du temps. Fait que, j'ai vu les Ah, j'ai le temps, Mathieu. Ça, Tagnol. C'est elle qui gère ça. J'ai vu, on a vu les meilleurs chips, les autres meilleurs que je me rappelle plus déjà parce que j'ai une mémoire à court terme. Mais maintenant, c'est les pires alcools qui existent aussi. Ah. Fait que, mais pourquoi tu veux savoir ça? Genre, pourquoi savoir ne pas boire? Ben ouais, à peu près, mais c'est un peu spécial. C'est un peu dans le même mood que les chips. Fait que c'est des alcools un peu bizarres. Vous irez voir, il y a une photo qui. Sauf que ça, je fais vraiment un avertissement. Il y en a une qui est assez provocante. Trash. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, âme sensible, s'abstenir. Surtout si vous êtes fan, si vous aimez beaucoup les animaux. Fait que, allez pas. J'ai vu ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est très explicite. Des petits pépés souris au fond d'une bouteille. Ah. Ouais, ouais. Ils vont fermenter ça. Allez pas voir ça. Non. Je l'ai mis. Vous allez dire que je suis un salaud. Oui, mais... Oh. En tout cas. La KitKat au Japon, vous savez que c'est une vraie religion? Oui, oui, il y a plein de sortes de KitKat. Hein. Mais au Japon, en fait, je trouve ça intéressant parce que le site l'explique. Au Japon, il y a les Japonais... Bon, on sait qu'ils sont très enfermés dans leur culture. Mm-hmm. Au Japon, c'est pas réputé pour connaître puis être très ouvert pour les autres cultures, que ce soit de l'Europe ou de l'Amérique. Mais quand t'as une culture aussi cool que ça, as-tu besoin d'autre chose? Ouais, c'est ça. Hein? Ben oui, t'sais, tabarnouche. En tout cas, on partira pas au débat. Donc, le Japon, qui est très enfermé sur lui-même, aime beaucoup voyager, mais au travers du Japon aussi. C'est très populaire de voyager au travers du Japon. Tu sais, ils font le tour de leur petite île. C'est cute. Ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est des collectionneurs. Fait qu'ils sont réputés pour être des grands collectionneurs au Japon. Donc, Nestlé, c'est Nestlé qui font KitKat. Ouais. Ouais. Ouais. Nestlé a eu une idée qui est, moi, je trouve une idée de consommateur excellente. Je trouve l'idée vraiment géniale. De faire des KitKat qui, aux saveurs puis aux emballages extravertis, assez spéciales, qui ont distribué un peu partout au Japon, puis qui apparaissent dans certaines périodes d'année à des occasions spéciales, ce qui fait que les Japonais, quand ils voyagent, ben c'est pas rare de ramener une KitKat comme souvenir ou de collectionner les emballages de KitKat au Japon. C'est pas mal plus fun que... Oui, c'est ça. C'est pas mal plus fun que les dés à coudre ou ça. Ouais, c'est... ouais, ben oui. Ouais, ça. Fait qu'il y a des saveurs aussi, bon, les saveurs qu'on connaît toutes, qu'on voudrait goûter un jour, fraises, caramel salé. Ça marcherait au bout d'ici en plus, je comprends pas. Ben oui, KitKat, fraises, c'est super populaire là aussi. Ben oui. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Bon, ben là-bas, il y a thé vert. Ouais. Fait que KitKat au thé vert. Évidemment. Après ça, t'en as des un peu plus originaux. Wasabi. Miam. En a wasabi. Haricots rouges. Oh. Allez-vous goûter. Les haricots rouges, c'est un dessert là-bas. Hein? Ah. Puis c'est. Oui, c'est très sucré en fait. Ils font souvent une pâte d'haricots rouges chez un haricot spécial. C'est pas nos haricots rouges à nous, c'est un haricot qui est assez sucré. Là. J'y ai goûté, c'est dégueulasse. Mais la texture ne marche pas avec la saveur. Ça goûte trop. Ça goûte trop bon pour une texture qui est si écœurante. Genre, c'est pas supposé genre goûter ça. C'est bizarre. C'est vraiment dégueu le mélange que ça fait. Puis eux, ben, ils ont des KitKat aux haricots rouges. Ça a l'air bon. J'ai vu Fruit de la Passion. M'intéresse aussi, ça a l'air bon. Oui. Fait que, ensuite, 30 à 40, on achève. Je voulais juste dire, Miley Cyrus s'est fait offrir par son copain une combinaison de pizza. Génial. Ah, ouais? Ouais, ben, c'est une combinaison. Là, c'est une... Un One Piece, maintenant? Ben, c'est un genre de One Piece pyjama, mais je sais pas... Plus, tu sais, les gens là, qui ont des grosses couvertures, mais qui transportent avec eux-mêmes, là, c'était populaire. Les Snuggies. Ouais, genre ça. Ben, ça ressemble à ça, mais c'est une pizza qui est imprimée dessus. Ah, je suis content de savoir ça. Ouais, Miley est contente. Puis pour finir, ben, 40 à 50, je vous ai mis un lien pour les fast-foods d'ailleurs dans le monde. Fait que des fast-foods exotiques. Fait que, entre autres, un endroit qui font des hot-dogs, mais de la façon qu'ils font les hot-dogs, c'est qu'ils prennent une saucisse qui... Ça commence bien. Ça commence bien. Qui mettent dans une pâte ronde, qui trempe ensuite dans une sauce mayonnaise. OK. C'est une sauce mayonnaise. En fait, trempe ça dans une sauce pour ensuite rouler les frites directement sur le hot dog. Fait que rouler des concassés de frites dessus, puis retremper ça dans une sauce mayonnaise et wasabi. Mais ça a l'air carrément bon, ça? Ça a l'air vraiment bon. Wow! Ça a l'air vraiment bon. Tu nous amènes ça la semaine prochaine? Je commande ça sur Amazon. Je vais faire venir ça. Ah, finalement, on va devoir inviter Fred à une pointe à l'adresse, vraiment. C'est officiel, c'est une invitation. On a une chronique où on goûte à du fast-food et on goûte à des trucs, puis on parle de nouvelles de fast-food. On t'invite officiellement à cette chronique-là quand tu veux. Yeah. On s'en reparle. Donc, c'est tout pour Google Globe. Oui. On continue la semaine prochaine, mercredi à 8h30 environ. Pour puis, comme d'habitude, le lien sur Assemblage Rocky, je pense que tu l'as mis déjà. On est plus rapide qu'au début maintenant. Ouais, on commence à poigner à twist là-dedans. Tu peux rester avec nous si tu veux, mais on passe à Tania Baudin. Oui. À l'instant. À voici sa chronique Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania. Elle voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école. Et puis maintenant elle décolle. C'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-da-ta. C'est Tania. Bon matin. J'ai perdu le fil de la chanson. Ouais, j'ai vu ça. Donc, Tania Baudin, Tania is gonna entertain you, c'est ta chronique quotidienne. Quotidienne. C'est le mot pour quelque chose qui a lieu à tous les jours, sauf les vendredis, samedis et dimanches et les jours fériés. Ah non, on repasse en rediffusion. C'est vrai qu'il y a ça, par contre, tu as raison là-dessus. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Eh bien, je vous parle, en fait, on m'a mise au défi, comme je te disais un petit peu plus tôt dans l'émission, on m'a mise au défi de parler d'une des applications les plus populaires sur les téléphones intelligents, okay. Qui est Tinder. Tinder. Donc, aujourd'hui, je vous parle de Tinder. Puis honnêtement, je dois vous dire que tout au long de ma recherche, je suis restée quand même surprise de tout ce qu'on peut apprendre sur Tinder. Alors, on va y aller comme en étape facile, okay? Mais je vais essayer de faire ça comme short and sweet quand même. Okay, il reste pas beaucoup de temps, puis il y a une autre émission après. Alors, en fait, c'est quoi Tinder? Ouais, Fred, il est comme moi, je suis là. Toi, t'es un chroniqueur bénévole, fait que tu peux prendre tout le temps que tu veux, puis nous autres, on prend le reste. Alors, qu'est-ce que Tinder? Pour ceux qui connaissent pas ça, eh bien, c'est une application pour rencontrer de nouvelles personnes du sexe opposé ou du même sexe, tout dépendant de votre orientation sexuelle, et donc, je ne fais aucune discrimination. C'est pour rencontrer des gens. C'est ça, c'est pour rencontrer des gens. Principalement, ça a été créé justement pour rencontrer des gens dans un contexte évidemment amoureux. Ouais. Quand est-ce que ça a été inventé, cette application-là? Eh bien, c'est en 2012 par Sean Rad et Justin Mateen. Wow. En fait, c'est deux gars qui étudiaient ensemble et un des deux était tanné de voir l'autre célibataire. Alors, il a décidé d'en créer une application et d'en faire un jeu. Depuis combien de temps est-ce qu'on connaît Tinder? Moi, ça fait pas depuis plus que peut-être un an. Donc. Moi non plus. Ben, je sais que ça fait quand même quasiment... On est quoi, 2015? Ouais. Ça doit exister depuis minimum 2013, mais peut-être qu'aux États-Unis, ça a été instauré un peu plus rapidement en 2012. Peut-être que quand t'es en couple, tu connais moins ça. Peut-être aussi. Alors, la fameuse interface que l'on voit toujours là, comme quand on swipe vers la gauche ou vers la droite. Le X, donc, c'est le cœur. Exactement, parce que pour ceux qui connaissent pas ça, on choisit en swipant quelqu'un soit par la gauche qui va être non ou soit par la droite qui va être oui. Et maintenant par en haut pour un super like. C'est oui, maintenant, mais c'était pas là à l'époque. Eh bien, cette fameuse photo qui se fait swiper soit à gauche ou soit à droite est arrivée en jouant aux cartes. Les gars jouaient aux cartes, puis ils ont mis le paquet devant eux et ils ont swipé, puis ils ont fait « Oh mon Dieu, attends, mais on peut faire ça avec notre application. » Cool. Et c'est comme ça qu'est créée la fameuse photo qui bouge. Sean Rad a rencontré sa fiancée sur l'application, mais il l'utilise surtout pour engager des gens. Ah oui, ça peut servir à ça aussi. Oui. On sait-tu s'il est seul ou vu que c'est lui qui l'a créé, on sait-tu s'il y a d'autres compagnies qui font ça aussi? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres compagnies. Je sais par contre qu'ils sont affiliés avec quand même 26 autres sites de rencontres. Okay. Donc quand même, ça c'était en 2013, là, le nombre exact qui était de 26, mais c'est quand même assez impressionnant de savoir que Tinder est relié à plusieurs autres sites de rencontres quand toi tu t'en fais une application et que tu veux gagner ta vie avec ça, quand même. Alors pour les gens qui seraient intéressés, Tinder en nombre, voici certaines statistiques. Le nombre de membres qu'il y a sur Tinder en 2015, 24 millions. C'est traduit en 24 langues différentes au travers du pays. Il y a 5 millions de matchs et 500 millions de swipes, oui, par jour. Caroline, j'ai pas vu ça passer, mais autant de swipes de matchs que ça. Voici une statistique que, d'après moi, vous allez être pas surpris d'apprendre, mais les hommes vont swiper M en moyenne 46% du temps, tandis que les femmes vont swiper M en moyenne 14% du temps. C'est ça, parce que les filles swipe j'aime juste pour les personnes qui vont avec qui ils seraient vraiment intéressés d'avoir exactement une conversation, alors que les gars font swipe par défaut par à droite en se juste disant pour que, se genre, dire m'en pogner une. Avoir un match à un moment donné. C'est ça qu'ils font les gars, c'est connu ça. Tu montes pas un vieux singe à faire des grimaces. C'est hein? ça. Surtout pas manger des bananes. Alors, en 2013, ils ont fait beaucoup de publicité dans les collèges et c'est ce qui a quand même amené 500 000 de plus de membres sur l'application. Ah. C'est quand même immense là, en tant que statistique. Il y a aussi 70% des utilisateurs qui sont déjà sur un autre site de rencontre. Ah. Donc, quand on disait qu'il y avait des partenaires, probablement qu'il y a de la publicité sur certains sites de rencontres déjà qui disent télécharger Tinder ou quoi que ce soit, ça va être bien. Donc, par la suite, ces 70%-là vont aller sur Tinder. Il y a 6 hommes pour 4 femmes sur l'application. Il y a aussi 30% des utilisateurs qui sont déjà mariés. Oui, c'est sûr, ça. Mais c'est terrible. Sûr. Ça doit être... Ça ne surprend même pas. Tu sais, il y a quelques années, on disait que Facebook est une des raisons pour lesquelles il y a le plus grand nombre de séparations. Je suis sûre que Tinder, depuis quelques années, a mis sa graine de sel là-dedans. Ah, bien, beau choix de mots, Tania. Oui, je sais. Hein. On y va en rafale rapidement du côté finance. La publicité va bientôt arriver dans l'application. Ah. On le sait, c'est une application gratuite. Par contre, pour pouvoir en faire certains bénéfices, eh bien, on doit quand même avoir de la publicité à un certain point sur l'application. Donc, c'est quelque chose que les gars sont en train de mettre en ligne. Ça serait des publicités de 10 secondes qui viendraient sur votre écran au complet. Un peu comme quand vous utilisez 8Tracks ou certains Spotify, mettons, ouais. Il y a des applications comme ça qui ont de la publicité parce que l'application en tant que telle est gratuite. Les services premium coûtent 20$ par mois, donc de ce côté-là, il y a un petit revenu. Il y a 1 million de... S'il y a des gens qui payent pour ça. Parce ouais. Que moi, c'est quoi le service premium? C'est tu as le droit de magasiner en d'autres villes que la tienne, tu as le droit d'annuler un swipe que tu as fait pour dire, bon, ben, finalement, je l'aime bien. Puis tu as un nombre illimité de super likes. Oui. Mais ça, c'est 23$ par mois. Ben tout à l'heure, c'est ça. Ouais. C'est 23$ par mois, mais tout à l'heure c'est Mathieu puis moi, on regardait ça, puis on s'est rendu compte que Tinder Plus, en fait, c'est même pas le même prix pour les hommes que non, les femmes. C'est ça. C'est moitié moins cher pour les femmes que pour les hommes. Ouais. C'est, donc, toi, t'économises 55%, moi 57%. C'est ouais. 22,99 par mois si tu payes mois par mois. Sinon, c'est 10$ par mois si tu prends un contrat d'un an. Il y a 1 million de dollars de la compagnie qui a été donné à une employée après que Justin Martin ait en fait été dans une relation avec son employée. Donc, elle a été criée à l'abus et à certains... comment je pourrais dire, geste non gentil de la part de son employeur. Donc, elle s'est fait 1 million de dollars sur la tête de Tinder. Ben, bravo! Ouais. Okay. Et c'est un peu ambigu comment, présentement, ils font de l'argent. Comment est-ce qu'ils réussissent à faire fonctionner Tinder et à avoir autant d'employés? Mm-hmm. Je tiens à vous dire que je suis allée faire un tour directement sur le site de Tinder qui est www.gotinder.com si jamais ça vous intéresse. Et il y a quand même beaucoup d'emplois disponibles. Donc, si jamais vous voulez envoyer votre CV à Tinder, c'est possible pour vous. Allez-y, il y a l'onglet « Emploi ». Okay. Vous pouvez aller voir. Sinon, peut-être qu'un des employés va vous swiper et comme ça, vous allez vous avoir une job. Il y a aussi le site tinderseduction.com qui vous donne quelques trucs sur comment avoir une merveilleuse première date avec un match Tinder. Okay. Ouais. Non, mais c'est bien. J'aurais pu avoir une chronique, je pense, honnêtement, de 45 minutes sur tout ce que j'ai trouvé sur Tinder. J'étais vraiment curieuse sur, justement, le côté finance de cette application-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup allumée et les statistiques aussi m'ont beaucoup allumée. Mais tout ça pour dire que c'est une application qui... Tu sais, vous devez la prendre à la légère quand même. Les créateurs de cette application-là ont quand même toujours dit que le but en était un jeu. Comme un jeu de cartes. Comme un jeu de cartes. C'est bien dit ça. Alors, ça doit en reparler du Tinder, une autre fois. Ben oui, qui sait. Peut-être que demain, on va en reparler. Peut-être. Merci, Tania. Hey, merci. On se laisse-tu sur la petite... À la fin de l'émission. À la fin de l'émission, donc c'est ça. Voilà, merci Tania. Merci Mathieu. Nous, c'est la fin d'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. On fait ça très rapidement. Là. On remercie Sébastien Viertin, on remercie Frédéric Bernard, merci à toi Tania. Demain à l'émission, on a Marie-Christine Perra dans une case horaire spéciale. On va parler d'art et spectacle et une grosse pointe en dresse. C'est demain à l'émission. Restez sur nos ondes à 11h le dîner con avec Danny Janvier. Ensuite, à 15h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, 17h Audiomatique et à 20h, nouvelle case horaire pour l'émission Radio Sonic. Ça change de jour, donc 20h de jour et d'heure finalement. Donc, c'est .ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec la chanson Light a Fire de Rachel Taylor. En lien avec ma chronique Tinder, tu sais, Light a Fire. Tout à fait, Light a Fire, Tinder. Dans quelques instants, restez là pour l'émission Les coups des franches. Ça s'en vient juste après. Mais pour l'instant, Light a Fire de Rachel Taylor. À demain, 6h30. Bye bye. You may say you're walking all by yourself. Have no one else. Your life is deadly like a loaded gun. And you're shaking, love. Don't shiver. Don't give up. Don't quiver. You're enough. You will be just fine tonight. Baby, when it's cold outside, I will keep you warm. Say from the storm. I will light a fire in the embers bright. Will guide you through the night. When it's cold outside, I will light a fire. I will light a fire.